Boson de X, tu erres dans l'espace, tu es grave à la masse, le but elle t'a plaqué. Boson de X, elle t'a largué pour un graviton, ou c'était peut-être un exciton de faible interaction. Boson de X, tu voulais finir tes jours, finir d'être ridicule dans un accélérateur de particules. Boson de X, il faut bien se reconstruire avec un paquet de gluons. On sort vite d'une dépression. Solo du LHC. L'intrication quantique, c'est bien sympa. Boson de X, tu fais une cure à la campagne. Faut savoir prendre du bon temps en vadrouillant au milieu des champs de X. Freestyle, un doux mot qui évoque beaucoup de choses. Chez Robin, ça veut dire à la dernière minute qu'il vient enregistrer chez moi. Chez la SNCF et les taxis, ça veut dire faire grève et bloquer tout Paris. Chez Alan, ça veut dire venir enregistrer depuis Paris. Chez Julie, ça veut dire beaucoup plus de boulot. Et chez Pouillot, ça veut dire chanter au lieu de dessiner. Mais surtout, chez Podcast Science, ça veut dire retour d'auditeur, invité spécial, blog audio et nouvelle rubrique. Vous êtes dans Podcast Science Freestyle numéro 178 et nous sommes le 11 juin 2014. Bienvenue. Bienvenue, on va commencer par un petit tour de table, donc qui n'est pas autour de la table physiquement, on va commencer par ça. On a Irène depuis les États-Unis. Bonjour Irène. Bonsoir. On a Julie depuis les coulisses qui a organisé cette émission. Pas bonsoir Julie du coup. On a 2-3 personnes invitées un peu exceptionnellement, recrutées sur la chatroom pour enregistrer, passer des jingles, etc. À savoir Jonathan et David. Salut les gars, je sais pas si vous pouvez parler. Salut. Voilà. Donc, après le podcast sur la musique, on a David et Jonathan dans le chat. C'est fabuleux. Merveilleux. Et enfin, depuis Paris, tous autour de la même table, eh bien, il y a Robin, Alan et moi. Bonjour tout le monde. Ça fait une heure qu'on boit des bières. On risque de pas être très sérieux. Je crois que t'as un petit peu oublié quelqu'un quand même. On a une star avec nous. Ah oui, et bien sûr, je voulais finir par lui. Et bien sûr, on a notre star, l'invité spécial de l'émission. Donc, comme vous savez, chaque semaine, on vous a un invité exceptionnel. C'est lui l'auteur de la chanson que vous avez pu entendre, que vous pouvez pas encore acheter sur iTunes, mais ça ne saurait tarder. Et c'est Pouillot. Bonsoir, merci de me recevoir. Salut Pouillot, bienvenue. Ça fait super plaisir. Donc avant de faire un interview tout complet, pour ceux qui n'auraient pas mémorisé, Pouillot est la personne qui nous fait des dessins dans les lives depuis quelques semaines. Enfin, depuis quelques mois même. Depuis quand t'es là ? Ça fait un moment. Hein. Et qui a fait nos avatars. Ouais, et qui a fait nos avatars. Quand déjà ? En fait, j'écoutais avant et j'étais plus discret. Puis je pense que ça fait depuis début d'année que je dois être... que je dois sévir sur le live quand tu fais pas les dessins toi-même. Donc voilà. T'es là, j'en fais plus. Il ose tout les faire. Je me suis fait écraser par la qualité des dessins, faut dire ce qu'il y a. Des fois, je culpabilise parce que j'ai l'impression que j'empêche tes contributions. Donc. Bon, de toute façon, on va t'interviewer. Du coup, le sommaire de cette émission, justement, style freestyle. Démarre avec l'interview de Pouillot. Une nouvelle rubrique de Robin. Un blog audio. Un retour sur l'épisode des OGM. Un retour sur les autres émissions précédentes. La rubrique Le son de la semaine avec plusieurs sons, pas forcément toutes les semaines. Le pitch de la semaine prochaine. La quote. Un petit retour sur les dons. Un Mario Kart entre nous et puis Dodo. Du coup, on est parti. On est parti avec l'interview de Pouillot. Donc Pouillot, ça fait extrêmement plaisir de te recevoir. Merci, un immense merci d'avoir accepté notre invitation. Merci vraiment de m'avoir invité, c'est moi qui suis honoré d'être présent. Donc ceci est le 7e freestyle depuis qu'on a lancé le concept. Jusqu'ici, on a reçu des acteurs de la communication scientifique, professionnels ou amateurs, qui avaient des tonnes de choses à raconter sur cette activité qui occupe, comme pour nous, une bonne partie de leur temps. Alors, quand on t'a invité, Pouillot, t'as dû te dire « bigre » ou « fichtre ». Pourquoi moi ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter ? Arrête-moi si je me trompe. Et pourtant, t'as gracieusement accepté notre invitation. Alors à ce stade, les gens qui ne te connaissent pas pourraient se dire « Ah ouais, le mec, il aime se mettre en avant, il a accepté l'invitation même s'il n'a rien à dire. » Au contraire, je pense. Moi, j'ai eu la chance de te rencontrer lors de la sortie à Lyon organisée par notre ami David Loureiro il y a quelques semaines. Je te sais plutôt réservé. Du coup, je ne suis que plus impressionné que tu aies accepté notre invitation. Je t'en remercie sincèrement. Ça fait très plaisir que tu sois de l'autre côté du micro ce soir. Alors t'inquiète, on va pas te torturer, te poser des questions impossibles au long d'une interview interminable. Julie nous a orchestré un tel menu ce soir que de toute façon, on allait forcément faire un petit peu plus court. Alors pour ce qu'on sait de toi, t'as déboulé un beau jour dans la chatroom et demandé si tu pouvais faire un dessin. Et depuis ce jour, tu assures la plupart des illustrations pendant les lives et t'as même fait nos avatars. On peut les voir sur la page à propos sur podcastscience.fm. Alors déjà, un immense merci pour tout ça. Oh bah enfin, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire et puis à voir que c'était apprécié, donc c'était vraiment partagé. C'était même très amusant de voir comment ça s'est mis en route, mais ouais. Ok, alors première question, t'es dessinateur les soirs de live uniquement ou tu fais aussi ça dans la vraie vie? Je suis dessinateur, mais ce qui me permet de vivre, c'est pas mon dessin, c'est vraiment mon activité d'infographiste que je fais à côté dans une administration. Alors ça vaut pas du rêve comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vivre du dessin, c'est quand même quelque chose de très très difficile, même pour des personnes qui sont installées, qui sont reconnues, qui font vraiment beaucoup d'albums. Alors ça mériterait même un dossier complet sur un sujet pareil, surtout en ce moment, mais c'est quelque chose qui est plus difficile qu'on peut s'imaginer comme ça quand on voit les albums en librairie. Tu bosses dans une administration, tu bosses pas à la SNCF, je sais pas. Non, sinon je serais pas en vie, là. Vu le bazar en ce moment, non, ça va. Ok, bon, parlons de choses plaisantes plutôt. Tu peux nous parler un peu de ta technique de dessin pour le live et dans la vraie vie ? Bien sûr. Alors, pour le live, j'utilise un logiciel que tout le monde connaît, c'est Photoshop. Je travaille avec une tablette graphique. C'est une tablette qui me permet de dessiner directement à l'écran et très rapidement. Ça permet aussi de modifier facilement. Je mets pas trop non plus de détails parce que le but, c'est de faire quand même quelques illustrations pour l'émission et pas de faire quelque chose qui finit jamais. Et j'utilise aussi cette tablette et Photoshop pour mes dessins quand j'ai besoin de faire, par exemple, des illustrations de livres, d'impressions. Et à côté de ça, j'ai toujours des stylos, une plume qui permet d'ancrer, de l'aquarelle. Parce que quand on vadrouille à l'extérieur, c'est vraiment pratique d'avoir des petites choses comme ça. Et on peut faire beaucoup de choses avec. Donc, c'est très pratique. Et t'as suivi une formation pour ça ou t'es autodidacte? Je suis autodidacte. Donc, j'ai un peu approché les beaux-arts en option, comme ça, quand j'étais au lycée, mais j'ai jamais concrétisé ça dans des études. Ok, en parlant d'autodidacte, ta culture scientifique, elle te vient d'où ? Alors là, je dois avouer quand même que j'ai pas une culture très très bruyante au niveau scientifique. Bon, après, on peut se dire que les trous noirs émettent de la lumière, donc rien n'est perdu non plus. Mais mon cursus m'a éloigné très rapidement des sciences. J'ai eu que le côté très rébarbatif dans mes études qui m'a vraiment pas du tout fasciné. Et après, je me suis intéressé, comme tout le monde peut s'intéresser aux sciences, avec l'actualité scientifique et puis des sujets qui sont soit que je trouvais en tout cas pour moi hors de portée ou au contraire très simplifié comme on peut voir des fois au niveau des infos. Et c'est pas très accrocheur et vraiment c'est pour ça que j'ai quand même ce coup de cœur pour Podcast Science, c'est que ça m'a vraiment permis de m'y approcher vraiment plus concrètement. Voilà le format, les intervenants, l'approche, ça a été vraiment, j'ai ressenti ça comme une bouffée d'air, une approche au monde des sciences qui m'a dit tiens, tu peux comprendre, c'est accessible pour toi aussi. Et depuis, c'est un petit peu un cercle vertueux puisque je me mets à plus à bouquiner là-dessus. J'ai de très bons conseils de David Loureiro, que je salue au passage, pour son blog Lisez la science, qui nous recommande des bonnes et saines lectures. Et puis, c'est comme ça qu'on construit un petit peu sa culture scientifique. Donc, voilà. Bon, bah, j'essaie de dissimuler la petite larme qui part au coin de l'œil. C'est formidable d'entendre des choses comme ça. Et puis, bah, j'allais te demander s'il y avait des émissions ou des auteurs qui t'inspirent. Donc, podcast science et David Loureiro avec son excellent Visé la science, c'est ça? Voilà, on va dire ça. Bah, après, il y a d'autres excellents livres. Là, je n'ai pas tout en tête, mais voilà, il y a beaucoup de lectures qui permettent un petit peu d'approcher par thématique, voilà, de mieux comprendre les sujets. Mais j'aime beaucoup le format du podcast et je trouve, en tout cas pour moi, ça m'a beaucoup mieux parlé pour assimiler les concepts que sur... la lecture de prime abord, voilà. Ok, et comment est-ce que tu es tombé sur Podcast Science la première fois? Tu écoutes des podcasts pendant que tu travailles? Alors, en fait, pour Podcast Science, c'est assez amusant. Je trouve qu'il y a un petit peu de la théorie du chaos, sans être un expert là-dedans, mais c'est, voilà, c'est tout à démarrer quand je me suis connecté à Twitter pour la première fois. J'ai voulu tenter un petit peu ce réseau-là sur un coup de tête. Et puis, voilà, je n'étais pas très familier. Alors, je cherche des nouveaux contacts, des personnes intéressantes à suivre. Alors, je vais un peu partout. Et puis, j'ai des recommandations. Et puis, d'un coup, je vois qu'il y a des podcasts, dont Nip Tech. Il y a toute une communauté. Et puis, de fil en aiguille, en écoutant un peu tout ça, en m'intéressant au podcast, eh ben, je suis tombé sur Podcast Science. Et voilà comment j'ai accroché. Et oui, sinon, ça peut m'arriver, il ne faut pas trop le dire, mais d'écouter au boulot. Quand j'ai des travaux d'exécution, ce qui arrive en infographie, des choses qui sont très procédures, parce que... Enfin, ce n'est pas procédure, c'est disons qu'il faut appliquer les choses sans avoir une réflexion. Voilà, et ben là, on écoute un bon podcast de Podcast Science, et ben, ça va très très bien avec. Et j'ai l'impression que souvent les dessinateurs... Enfin, tout ce qui est dessin, c'est propice à écouter autre chose aussi à côté. Et voilà, en plus, on peut réécouter les dossiers quand ils sont trop complexes. Et à côté de ça, aussi en marchant, je trouve que c'est vraiment super sympa d'écouter un bon podcast ou dans les transports. Voilà. D'accord. Attends, donc si je résume, tu t'es connecté à Twitter juste à tout hasard pour voir ce que c'est, t'es tombé sur Nip Tech et maintenant tu te retrouves à faire des dessins tous les mercredis voilà. Dans une chatroom. J'ai l'impression, voilà... Il y a des effets qui sont complètement inattendus et des fois, c'est juste une petite chose qui peut déclencher une avalanche de conséquences assez sympathique. J'ai notre spécialiste de la théorie du chaos à côté, là, qui opine du chef, qui acquiesce. Ah bah c'est bien, si je réponds aux critères, ça va dans ce cas. Et t'écoutes d'autres podcasts? T'as quelque chose à nous recommander? Ah oui, j'écoute bien des podcasts. J'ai l'impression qu'en commence, on s'y met vite sur d'autres choses. Et voilà, bah, y a toute la communauté NIP qui a d'excellents podcasts. Donc NIP Tech, qui, il me semble, était le premier. NIP Dev, et puis je crois qu'ils expérimentent sur l'éducation, des choses comme ça. Et il y a Lisez la science, hein, dont j'ai parlé, qui est très très bien. Podsource, qui parle de graphisme pour les graphistes, et même pour ceux qui veulent découvrir, c'est très sympa. VoyageCast, bien sûr, un incontournable pour les chouettes interviews. Le comptoir Sécu, alors ça parle de sécurité informatique, mais c'est très convivial. En plus, ils boivent toujours une boisson différente, c'est assez ludique. Objectif numérique pour la photo. L'Inaudible, un très beau podcast qui malheureusement va s'achever. Donc ah bon? Ouais, je suis très triste. J'ai écouté le dernier épisode de Walter et ça m'a attristé. Alors, j'espère qu'il va démentir, mais si c'est confirmé, je suis très triste parce que c'était assez atypique et j'aimais beaucoup. Et puis voilà, après, en dehors de ça, bah, il y a toujours les émissions de France Culture ou de radio, mais je ne sais pas si on peut vraiment le classer dans la catégorie podcast. Ouais, on ne va pas ouvrir le débat. Voilà, c'est ce que je me dis aussi. J'ai l'impression que c'est souvent soulevé. Alors, ouais, oui, j'ai peut-être pas bien précisé, c'est qu'il a des projets aussi, c'est ce qu'il semblait dire. J'ai l'impression que c'est que le Wewe Show qui est interrompu. Donc, il n'est pas dit qu'il ne fasse pas d'autres choses derrière. Donc voilà, je précise vraiment, c'est juste le Wewe Show qui est concerné, qui permet de découvrir des facettes au niveau de la musique assez étonnantes, de redécouvrir des morceaux. Et enfin, moi, j'ai découvert plein de choses grâce à ça. Alors, en parlant de podcast, de podcast science en particulier, c'est qui ton animateur ou ton animatrice préférée? Ah, je sentais bien qu'il y aurait une question piège. Ah bah franchement, je dis pas bravo là pour me poser ça. Et sincèrement, je serais très embêté pour répondre à une question pareille parce que pour moi, vous êtes tous épatants et formidables. Pas tous les mêmes pouvoirs par contre. Oui, mais c'est complémentaire, c'est ça qui est fort. C'est voilà, c'est comme les particules. Et je peux concéder avoir voilà, quelque part, j'ai été marqué par les débuts de Podcast Science parce que forcément, c'est un peu la découverte aussi en réécoutant depuis. J'ai repris depuis le début, hein, même si j'avais pris en cours de route. Et le duo Alan-Mathieu, voilà, je trouvais que c'était marquant pour débuter. Mais franchement, je dis bravo à tout le monde. C'est toujours chouette d'écouter quel que soit l'intervenant. Et je dis quand même un remerciement tout particulier à Alan parce que voilà, avoir porté le podcast vraiment tout seul en plus pendant un sacré bout de temps, et puis toujours l'application, tu fais part, bah, moi je dis bravo et ça m'impose le respect. Je sens que tu as répondu à ma question de la manière que j'attendais ça. C'était orienté. Oh, mais quel faillot, c'est pas possible! Manipulateur, quoi. Juste, il veut qu'on lui dise qu'il est beau. Mais oui, t'es beau. Hein. Attends, il aura quand même fallu. C'est quoi, 178 épisodes? 178. Bon, Bika, quels sont tes projets à côté du boulot et des illustrations pour le podcast? J'ai reçu de ta part un magnifique livre, d'ailleurs. Encore merci pour la magnifique dédicace époustouflante. Tu peux nous en parler? C'était avec plaisir. Hein. C'était vraiment peu de choses. Et en fait, je fais régulièrement des petits livres pour les éditions Lapin. C'est les éditions du site lapin.org et je fais des livres vraiment pour enfants maintenant. Et c'est souvent sur des thématiques. Et bon, pour le site en lui-même, les contenus sont variés. C'est pas uniquement jeunesse. Il y a un peu de tout. C'est toujours sur de l'humour. Et souvent, c'est de l'humour absurde. Et puis, bah, en passant, ils ont sorti d'ailleurs un livre, c'est un peu dans le thème là, pour le coup, parce qu'ils ont sorti Pour la science de Zach Weiner, qui est une très bonne lecture sur une manière complètement ludique et rigolote de traiter la science en BD. Voilà. Alors, il est plus connu aux États-Unis, mais c'est traduit en français pour le coup. Pour la première fois, si je ne m'abuse. Tout à fait, ouais. Alors, c'était en ligne jusqu'à présent uniquement, et là, pour la première fois, c'est édité en livre. Oui, c'est okay. PC. Et tu ne devais pas ouvrir un blog aussi? Alors ça c'est une question piège aussi. En fait oui j'y travaille et puis sincèrement je suis embêté parce que je me disais allez pour l'émission tu le lances ce blog et puis voilà je me suis pris à faire une musique je sais pas pourquoi et du coup ben, c'était vraiment trop juste donc je m'y mets c'est promis et puis le site est déjà retenu c'est boson-futé.com sans accent et en minuscule je me suis dit super un jeu de mots allez. Et bon, ben voilà, j'espère que ça sera rapidement avec plein de choses sympas et que ça vous plaira. Ok, donc attends, si j'ai bien compris, t'as composé une chanson à la place de mettre en ligne ton blog. Oui, mais je suis comme ça des fois, je me prends à faire des choses improbables, faut pas chercher. On a tous la même gestion des priorités. J'ai l'impression, j'allais presque te proposer un poste de dictateur de podcast science. T'as le profil. Mais je crois que j'ai pas le droit de te le proposer. Ça viendra de plus haut. Nico le remplit très bien et je pense que je préfère lui laisser largement le travail. Il y a LJJ dans la chatroom qui précise « Attention, faut bien réfléchir avant de baptiser un blog ». On rappelle donc qu'il est l'auteur... Moi, j'arrive jamais à me rappeler du nom de son blog. Chevron et Intégral Curviligne. Et Vachkiri encore. Vachkiri et Intégral Curviligne. Voilà. Moi, je suis fan, personnellement. On est tous fans. Ok, les amis, est-ce que vous avez des questions pour Pouillot? Est-ce qu'il y a des questions d'auditeurs dans la chatroom? Sinon, en attendant que les questions arrivent, où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'Internet mondial en attendant l'ouverture de ton blog donc? Eh ben, essentiellement sur Twitter, parce que maintenant, bah, autant continuer. Je suis sur le nom. C'est. Ah zut, comment on le dit pour le tirer du bas? C'est. Oui, c'est l'underscore, je sais pas pourquoi je confonds les termes. Underscore Pouillot, underscore, puisque il y a tous les autres Pouillot étaient déjà pris. Et puis sur les lives de podcast science, bien sûr, puisque je poursuivrai mes dessins. C'est un engagement à être là toutes les semaines. Oh là là. Non, mais je je vais tâcher un maximum d'y être, voilà, ça je m'y engage. On a une question de David Loureiro dans la chatroom qui demande combien d'épisodes t'as écouté. En fait, je les ai tous écoutés puisque au moment où j'ai découvert Podcast Science, je suis tombé, je ne sais plus sur quel épisode, mais c'était vraiment cours de route, ça avait dépassé la centième au début et j'ai trouvé ça super intéressant. Et du coup, je me suis dit, ah, ça m'embête d'arriver en cours de route, moi je veux reprendre depuis le début. Et donc, j'ai repris depuis le début. J'ai tout enchaîné. Donc, j'ai effectivement passé tous les épisodes. Par contre, j'avoue que j'ai raté la compréhension de certains passages. Donc, il n'est pas impossible, et c'est même prévu comme ça, que je réécoute là certains sujets une deuxième ou une troisième fois pour bien m'imprégner. Non, mais t'as bien fait, parce que c'est vrai que si on n'a pas le début de l'histoire, après, on comprend rien. Exactement, je trouvais ça trop triste. Ça a été pensé dès le début, hein, c'est clair. Surtout, on ne se rend pas compte, mais il y a plein de références des fois en cours de route quand on écoute, et des fois, on ne comprend pas toujours les petits liens. Et c'est quel épisode que tu as écouté le plus grand nombre de fois? Ah non, là, je saurais pas dire, parce que il y a plein d'épisodes qui m'ont plu sur la théorie du chaos, la matière noire. Moi, ce qui m'a vraiment fasciné, c'était sur l'intrication quantique, de comprendre un peu cette approche-là. Bah, du coup, ça a fait vraiment une image. En fait, tout ce qui était quantique, pour moi, juste avant Podcast Science, ça me parlait pas du tout. C'était vraiment quelque chose. Bon, bah, je savais que ça faisait partie de la catégorie des choses que, bon, bah, on sait que c'est très scientifique, mais ça me parlait pas vraiment du tout. Et puis maintenant, le fait d'avoir compris un peu l'implication, les grandes lignes de tout ce qui est quantique, l'intrication, le fait que on puisse pas l'observer, quand c'est en déplacement, on peut pas le mesurer complètement dans le temps ou dans la vitesse, des choses comme ça. Eh ben, ça m'a fait quand même une impression très particulière. Ça, voilà, ça m'a bien marqué. David Loureiro nous a demandé, puis il a été plus soyé par Jonathan. Quel est ton épisode préféré? Non, je passe. Je veux pas. Tes épisodes, bon. Alan, histoire que sache répondre. Ouais, je t'enverrai la liste de mes épisodes, tu réponds la prochaine fois que tu viens. D'accord. Bon. On a Irène qui a une question sérieuse. Mm-hmm. Oui, mais du coup, en fait, je pense que tu as quand même à peu près répondu, mais je me demandais dans quel domaine des sciences t'intéresse le plus maintenant. Je trouve que c'est ça qui est bien aussi avec Podcast Science, c'est que du coup, ça permet aussi d'aborder des sujets des fois où on n'aurait pas du tout pensé essayer de creuser. Mais c'est vrai que tout ce qui est sur la physique en général, j'avoue que ça me touche particulièrement, quoi. C'est quelque chose qui, au fil des lectures, me parle un peu plus. On a Jonathan qui demande est-ce que tu te mettras à l'animation de tes dessins, genre des petits strips d'une minute? Alors c'est rigolo parce que justement c'est quelque chose que je réfléchissais. Donc j'essaye de voir un petit peu comment animer des fois des dessins, essayer de creuser l'interactivité, mais je ne m'avançais pas trop parce que je veux être sûr de bien le faire. Donc des fois quand je ne suis pas sûr, je ne m'avance pas. Mais c'est quelque chose, j'avoue, qui m'intéresse. Donc Pascal, tu as noté, il faut gérer les gifs animés, hein. Non, là je, ouais, voilà. Après, il y a tout le côté technique qui entre en compte aussi. Ouais. Après, on a David Loureiro, très en forme, qui balance une salve de questions. Quel est l'épisode que tu aimes le moins? Ah non, je passe aussi, il ne faut pas déconner. Après Podcast Science, quel est ton podcast préféré? Oh non, précision, mais faut arrêter. Une seule réponse possible. Oh non, mais il ne faut pas faire ça. On avait dit pas de questions piège. Et puis Irène, tu voulais demander quelque chose encore? Eh bien, j'ai peut-être raté ça, mais je me demandais quels sont tes albums qui ont été publiés. Moi, j'aimerais bien les lire, en fait. Ah ben, c'est gentil. En fait, c'est donc chez les éditions Lapin. Il y a La Maison de Canard, c'est vraiment pour les petits. Il y a Une fausse maman, qui parle de l'adoption. Et sinon, il y a Promenons-nous dans les bois, qui est une petite histoire aussi sur la peur dans les bois. Donc, moi, je fais que le dessin. C'est Alice que j'ai rencontrée via justement l'édition Lapin, qui m'écrit les textes. Donc, je les mets en images et voilà comment ça fonctionne. Ah, d'accord. Et là, j'ai un nouveau livre qui est encore sur le feu, où là, ce sera plus des exercices de mémorisation et de calcul pour les tout-petits. Donc, voilà, c'est en cours de route. D'accord. Pardon. Je vois la question là. Je suis victime d'un fou rire ici. C'est une question de LJJ. Quel est ton épisode le plus moyen? Alors, je sais pas, il faut que je fasse les calculs. Je suis en train de calculer les taux. Il faut que je fasse une pondération. Ça va être un peu long à répondre. Hein. C'était la bonne réponse. Bon, ça va. Ok. Bah écoute, un immense merci de t'être prêté au jeu de l'interview, surtout dans ces conditions. Tu peux reprendre ta respiration, peut-être reprendre une activité normale. Tu peux chercher une côte d'ailleurs. Ah, mais j'ai déjà une côte de prête. Hein, ah, c'est des bons invités. Ça fait plaisir. Mais en tout cas, merci de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur parce que, enfin voilà, après les très grands invités qui ont suivi. Ça me fait vraiment plaisir et puis encore merci pour le podcast parce que voilà, enfin franchement ça m'a apporté beaucoup de choses. Et tu peux intervenir quand tu veux pendant l'émission, oui, tu peux dessiner aussi. D'accord, là malheureusement c'est un peu raté pour le dessin sur cet épisode, mais j'essaierai d'en faire par la suite pour intégrer tout ça. Et ben voilà, pas de problème, merci. Il y a GLaDOS qui a une question aussi. Hein. Mm-hmm. Français ? Ah ouais, maintenant qu'on a presque dit au revoir, tout ça. Ouais, ah oui. Avant, on continue dans notre esprit freestyle. Il demande en fait si ton style graphique est unique et réservé à Podcast Science, ou est-ce que tu gardes la même identité à travers tous tes projets ? C'est une bonne question. En fait, pour Podcast Science, je pense que du coup, ça se rejoint toujours un petit peu dans les traits. Il y a des choses qui sont en lien. Après, des fois, je simplifie vraiment au niveau du trait. Donc, c'est des choses qui sont plus communes au niveau du trait dessiné. Et voilà, après, ça dépend un peu de la technique utilisée. Donc, ça peut aussi être assez différent, assez tranché. Et des fois, quand c'est en vectoriel, ça n'a plus grand-chose à voir. Donc, voilà, ça peut varier, mais on retrouve quand même quelques similitudes. OK. Et si jamais il y a d'autres questions, on va les garder pour la prochaine fois qu'on t'invite sur le podcast. Eh bien, pas de problème, avec grand plaisir. Et puis, on a eu une réponse dans l'intervalle. C'est Pascal qui s'est risqué à répondre à LJJ. L'épisode le plus moyen, c'est le 89. Du coup, on nous demande quel est l'épisode médian, mais c'est aussi une question rhétorique. Là, c'est sans fin. Hein. Vous engagez dans un terrain dangereux. Ça me rappelle la partie sur l'infini où on parlait des émissions qui étaient... Ça parlait d'émissions qui Même étaient si sans arrêt. Voilà. C'est ballot. Donc voilà, je sens qu'on peut raccrocher des wagons. Ça, c'est parce qu'on les numérote. Si on les numérotait pas, ça irait pas mieux. C'est vrai. Voilà, j'en dis pas plus pour pas mettre des bras sur le feu. On les numérote avec des nombres entiers, en plus. Et voilà, mais c'est parti, c'est ce que je craignais. Ouais. Moi, je me disais, Alan va reprendre la parole et ça va rentrer dans l'ordre. Je suis entouré de matheux, on a une heure de retard, j'ai bu plein de bière. Je suis victime d'une prise d'otage de la SNCF, j'ai de bonnes excuses. Du coup, c'est moi qui suis rationnel et qui passe à la suite, tout ça. C'est ça. D'accord. Mais là, je suis pas sûr que ça va s'améliorer parce qu'on passe à la rubrique de Robin. Voilà, on n'en sait pas plus. À toi, Robin. Voilà, bon, j'en avais parlé un peu quand même aux autres personnes de Podcast Science, mais j'avais dit que j'avais plein d'idées. Je suis parti sur une des idées. On va voir le temps que ça tient, mais j'aimerais bien tenir cette rubrique un certain temps. Pourquoi cet arc électrique devient plus lumineux ? Nous sommes en 1903, la physique est en ébullition, il y a eu la découverte des rayons X, des rayons gamma, on n'y comprend plus rien, il y a des expériences en tout genre, on arrive à voir l'intérieur du corps humain. Bref, il se passe énormément de choses. Et René Blondel, Blondelet, j'arriverai jamais à prononcer son nom, un physicien parfaitement installé et reconnu qui habite à Nancy, fait des expériences sur les rayons X dans son labo. Alors la question qui se pose, c'est une question classique quand on a un nom. Il veut savoir si c'est une onde ou un corpuscule, tout ça, ce genre de choses. Il fait des expériences diverses et variées. Je parle de physique, Alan s'inquiète. Non mais même dans la chatroom, tout le monde nous dit « mais rendez-nous le vrai Robin, quoi. C'est qui ce mec qui parle de physique ?» Vous inquiétez pas, je ne comprends rien à ce que je raconte. Mais, on te reconnaît. Mais ça va m'intéresser quand même. Et donc, il fait une expérience. Alors, j'ai noté que je n'y comprenais rien. Il y a un moment, je me suis dit, il faudrait quand même que je fasse l'effort, que j'essaye de comprendre pour expliquer quand même, pour mettre dans le contexte. Et puis, j'ai fini par mettre dans le texte. Il fait une expérience nouvelle à laquelle je ne comprends rien, dans laquelle intervient donc cet arc électrique. Et le résultat de l'expérience, c'est que dans une situation, l'arc électrique devrait devenir plus lumineux et dans l'autre, il ne devrait rien se passer. Et bon, l'expérience donne un résultat, tout ça, et puis il poursuit une expérience encore, il projette des rayons X sur un prisme de quartz. Alors attention, là, j'ai noté, j'ai recopié, pareil, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Et il sait qu'a priori, les expériences précédentes ont montré que les rayons X sur un prisme de quartz, ça donne rien, c'est pas réfracté par ce prisme, donc il ne va rien se passer. Et pourtant, du coin de l'œil, et c'est pour ça que j'ai commencé par ça, du coin de l'œil, il aperçoit l'arc électrique qui devient plus lumineux. Donc, il se demande quand même ce qui se passe. Il recommence l'expérience et rebelote. Il balance les rayons X sur le prisme et l'arc électrique devient plus lumineux. De façon à peine perceptible, mais quand même, un tout petit peu. Alors il refait des expériences, celle-là et d'autres, etc., etc. Et puis il finit par écrire un article, quoi. Et il dit, puisque c'est pas les rayons X, parce que les rayons X, c'est pas ça, il se passe rien sur un prisme, tout ça, c'est que c'est des nouveaux rayons. Comme il habite Nancy, qu'il est très content d'habiter Nancy, il appelle ces nouveaux rayons les rayons N. Donc, il fait un article, comme c'est pas un allumé, que c'est quelqu'un de très sérieux, etc., c'est un article pour l'Académie des sciences, Il avait déjà, d'ailleurs déjà été primé à l'Académie des sciences pour d'autres résultats, tout ça, c'est vraiment quelqu'un d'installé. Et donc, il fait son article sur les rayons N. Et il y a plein de physiciens, du coup, qui en entendent parler, parce qu'il était très connu, et qui font les expériences. Et puis, il y a des gens qui observent les rayons N et qui commencent à faire plein d'expériences et faire plein d'observations dessus. Alors, il y a des résultats étranges. Il y a des résultats surprenants. Par exemple, les rayons N traversent le bois, l'aluminium, le papier, mais ils ne traversent pas l'eau, alors que c'est transparent. Les rayons N sont émis par le soleil, par les lampes à incandescence, mais pas par la flamme d'un bec benzène, donc il y a des trucs bizarres, il note ça. Un objet chauffé par le soleil émet des rayons N par la suite. Le corps humain émet des rayons N, surtout le système nerveux et les muscles. Alors, il y a des gens qui disent c'est formidable, on a les rayons X qui vont nous permettre de voir les os, les rayons N vont nous permettre de voir les muscles et le système nerveux, c'est merveilleux. Alors du coup, oui, il est tellement en forme qu'il se bombarde lui-même les yeux de rayons N, et alors qu'il est dans le noir, le fait de s'être bombardé les yeux avec des rayons N, il arrive à lire l'heure sur son horloge qui est à 4 mètres alors qu'il ne voit même pas ses mains au bout de ses bras. Donc il n'en revient pas, le mec. Voilà, premier semestre 1904, pour vous donner une idée de à quel point ça a un impact, la revue de l'Académie des sciences publie 54 articles sur les rayons N alors qu'il n'y en a que 3 sur les rayons X. Voilà, alors il y a quand même quelques personnes qui doutent un peu, qui disent « mais moi j'ai essayé l'expérience et ça ne fait rien ». Je vois rien, je vois vraiment rien. Peut-être juste le truc lumineux que vous voyez là, c'est peut-être, je sais pas, une histoire de chaleur ou un truc, mais pas vraiment un nouveau rayon. Alors, il y a un expérimentateur qui quand même va aller jusqu'à faire l'expérience avec un cadavre, pour être sûr que c'est pas la chaleur qui intervient. Donc voilà, ça va relativement loin. En août 1904, Blondelot apprend qu'il va avoir un prix, le prix Lecomte par l'Académie des sciences, tout ça, pour ses rayons N, tout ça. Donc voilà, à force quand même, les gens qui n'arrivent pas à reproduire l'expérience finissent par être un peu énervés, et donc il y a deux physiciens étrangers, dont un américain qui s'appelle Wood, j'ai noté son prénom, Robert Wood, qui viennent chez lui à Nancy pour voir ses expériences. Et alors Wood, il fait ses propres expériences pendant que Blondelot montre ses expériences. Les expériences de Wood sont assez dégueulasse, faut bien reconnaître, mais très instructive. Par exemple, normalement, avec ces rayons N, on peut repérer à quel endroit se trouve un objet derrière une plaque parce que ça devient plus lumineux là où est l'objet. Donc Wood se met derrière la plaque et dit « bon bah voilà, je déplace l'objet, dites-moi à quel endroit il est, tout ça », et le savant dit à quel endroit se trouve l'objet. Sauf qu'en fait, Wood ne touche pas à l'objet, l'objet ne bouge pas. Donc il dit « c'est quand même un peu étrange ». Ensuite, il y a une autre expérience. En principe, le métal émet des rayons N, mais le bois, non. Et donc, le savant Blondelot dit « on est dans le noir, tout ça, il y a l'horloge, on ne peut pas lire l'heure. Si je mets une lime métallique au-dessus de mes yeux, ça dégage des ondes N et je vais voir l'heure ». Et là, Wood dit « est-ce que je peux tenir la lime, moi ?» Et Blondelot dit « oui ». Et comme c'est dans le noir, Wood prend pas la lime, mais il prend une règle en bois qu'il avait repérée à l'avance. Et il la met au-dessus des yeux de Blondelot, qui voit l'heure. Donc il est de plus en plus inquiet quand même. Et puis il y a une dernière expérience, qui est alors la pire. Il refait l'expérience initiale avec le prisme, tout ça. Il balance les rayons X. Il y a le prisme et tout ça. Et sauf que comme ça se passe dans le noir, là encore, Wood en profite pour enlever le prisme juste avant l'expérience. Et Blondelot ne se rend compte de rien et calcule les longueurs d'onde de son onde N et tout, machin, comme si tout se passait normalement. Et évidemment, avant de rallumer la lumière, Wood s'est arrangé pour remettre le prisme pour que tout soit bien discret et tout. Et donc, à son retour de Nancy, il écrit un article, sans être trop méchant apparemment, c'est-à-dire qu'il cite pas trop le nom, mais enfin il dit « les ondes N, j'y crois pas trop, j'ai assisté à ci, j'ai assisté à ça, etc. » Et en fait, ça libère plein de savants dans le monde, qui disent « en fait, nous non plus, on voyait pas grand-chose, en fait. » Et donc, en fait, ça se dégonfle, le soufflet retombe en quelques mois, plus personne ne parle des ondes N, à part Blondelot qui reste accroché à son truc. voilà, c'est vraiment le roi nu, quoi, c'est vraiment l'histoire du roi nu. C'est-à-dire que comme c'était quelqu'un qui avait du poids, qui avait parlé des ondes N, et tout le monde voyait les ondes N, et puis à partir du moment où quelqu'un a dit « mais en fait, ça marche pas, votre truc », ça se dégonfle, et plus personne n'en parle. Pour finir, j'aimerais juste citer juste une petite citation, qui me paraît être très adapté quand même comme morale à cette histoire. C'est une citation de Lord Kelvin qui a dit « Tôt ou tard, on découvrira que les rayons X ne sont qu'un immense canular. Il parlait bien des rayons X et pas des rayons N, ce qui incite à une certaine humilité. » Voilà. Moi, j'ai mis un moment à comprendre de quoi tu nous parlais vraiment. Voilà, donc l'idée de cette rubrique, ce serait de faire à chaque épisode une petite histoire comme ça de trucs qui a raté. C'est-à-dire que quand on fait l'histoire des sciences, quand on parle de science, on ne parle que de ce qui a réussi, et notamment de gens maudits qui n'arrivaient pas à se faire écouter des autres, etc., et qui finalement avaient raison et qu'on s'en rend compte 100 ans plus tard. Je trouve ça assez intéressant aussi de voir des gens qui en fait avaient tort, tout simplement. Parce que quand on avance dans la science, on passe son temps à avoir tort. Mais là, en plus d'avoir tort, c'était un escroc, concrètement. Non. Lui, il le voyait. Quand il disait « je vois ». Ah, mais il voyait pour de vrai. Alors, il y a d'ailleurs une... Dans le bouquin, alors, il faut que je cite d'ailleurs le bouquin dans lequel j'ai lu ça. C'est un bouquin qui recense 13 histoires d'échecs, pas forcément en science. J'aime beaucoup le concept. Après, le bouquin lui-même, je l'ai trouvé un peu long au bout d'un moment, mais c'est quand même sympa. Et le fait de recenser des échecs, je trouve ça assez génial. Mais des gros échecs. C'est cool, ouais, j'aime bien l'idée aussi. Voilà. Ouais. Donc, ça s'appelle La Folie de Banvard. La Folie de Banvard. Et c'est écrit par, j'ai noté son nom quelque part, Paul Collins. Et donc, il donne à la fin une explication plausible, en fait, à cette histoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faisait ses expériences, Blondelot, j'ai plus son nom, il précisait que pour voir cette fameuse variation de luminosité, il ne fallait pas regarder directement l'arc électrique, mais il fallait le voir du coin de l'œil. C'est-à-dire que si on le regardait en direct, on ne le voyait pas. C'est un truc qui est assez connu de tous les gens, par exemple, qui font de l'astronomie, qui est que quand on regarde un objet directement, on le voit moins bien. Il faut regarder à côté et on le voit mieux parce qu'en fait, les récepteurs dans l'œil ne sont pas tous les mêmes. On a les cônes et les bâtonnets, machin. Et ils ne voient pas la même chose. Et donc, en fait, ça viendrait peut-être de là. C'est-à-dire que le fait de regarder de côté, pas directement, fait que c'est beaucoup moins fiable comme perception. Et que donc il a pu avoir l'impression de voir des variations là où il n'y avait rien. Mais il y a eu vraiment beaucoup de publications, il y a eu beaucoup de labos qui étaient persuadés d'avoir vu les rayons N, etc. Quoi. C'est une magnifique illustration du biais d'autorité, quand même, ce truc-là. Oui, complètement. Ouais. Et de l'envie d'y croire aussi, quoi. Visiblement, il y a eu aussi de ça. C'est à quelle époque, t'as dit ? C'est 1903-1904. Ah, donc c'est même pas si vieux, quoi. Enfin, c'est... Ah non. Puis en c'est plus, l'époque des grandes découvertes en physique quantique. Ah, ouais. C'est juste après les rayons X, les rayons gamma. Je veux dire, pourquoi pas découvrir encore d'autres formes de rayons, quoi. C'est... Pourquoi pas ? Comment t'écris La Folie de Blondel ? Alors, La Folie de Banvard, B-A-N-V-A-R-D. B-A-N-V-A-R-D. David Loureiro nous a copié ça. Le lien dans la chatroom. Voilà. Ouais. Merci, David. Merci, assistant. Non, j'aime beaucoup le concept de faire. Alors, il y a d'autres histoires très belles dans ce bouquin-là. Je ne sais pas si j'en reprendrai d'autres, parce que maintenant que j'ai cité ce bouquin-là, je vais peut-être essayer de trouver d'autres choses. Enfin, j'ai d'autres choses en tête, mais il y en a d'autres qui sont sympas. Il y en a une, je peux en parler rapidement, parce que ça ne concerne pas la science, mais que je trouve très belle. Quelqu'un qui avait inventé, avant le cinéma, il faisait des toiles, des peintures extrêmement grandes. C'est Banvard, justement, c'est la première des histoires. Et il les mettait sur rouleau, il les faisait dérouler devant du public, et il racontait des histoires pendant ce temps, genre... Il faisait toute la descente du Mississippi en peinture et en le racontant. C'était l'ancêtre du cinéma, quoi. Et en fait, petit à petit, il a vu les choses trop en grand, il s'est ruiné. Et puis en plus, il y a le Cinoche qui est arrivé, tout ça. Et donc en fait, pendant 10 ans, c'était une star internationale qui a fait des tournées aux États-Unis, en Europe, tout ça. Puis après, tout le monde l'a oublié en 6 mois. Quoi. Moi, je trouve ça... Pardon, vas-y. Non, j'allais juste signaler à Robin, qui regarde ailleurs, qu'il a eu droit à un dessin de la part de Nico Tup, qui est maintenant affiché dans la chatroom. Après la théorie du chaos, Robin parle de physique qui a raté. Ça donne l'esprit. Excuse-moi, Irène, je t'ai interrompu. J'ai pas l'impression de me limiter à la physique, hein, faut dire. Il n'y a pas que dans la physique qu'il y a des trucs qui ratent. Hein. Je voulais dire, c'est quand même un concept. Vraiment, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'en science, et les gens qui font des études en science, on a souvent tendance à être obsédé par le besoin de résultats. Et si on n'a pas de résultats, on ne va pas passer nos thèses, on ne va pas pouvoir publier. Mais on oublie souvent que l'absence de résultats ou les non-résultats ou les résultats négatifs, c'est au moins aussi important que des grandes découvertes, finalement. Et ça fait des histoires effectivement super intéressantes. Hein. Il y en a plein d'anecdotes comme ça aussi en biologie qui sont vraiment, vraiment passionnantes. Hein. La découverte de la pénicilline, tout ça, c'est des accidents et c'est super intéressant. Ouais. Ouais, sauf que là, finalement, il n'y a rien eu de découvert. Quoi. C'est vrai. Oui. C'est vrai que c'est négatif. Parfois, ça fait des découvertes auxquelles on ne s'attendait pas. Mais c'est vrai que c'est super intéressant. Ouais. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que ça a pris, quoi. Ça a pris et finalement, non. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui sont partis après lui et on s'est aperçu que ce n'était pas vrai. Il y a David Loureiro qui nous précise dans la chatroom qu'il y a aussi beaucoup de chercheurs qui veulent valider des préconceptions, donc des croyances, et qui ne retiennent que les résultats positifs. Sinon, il y a Lysenko aussi, ou l'histoire des avions renifleurs. Il y a évidemment plein d'idées. Enfin, d'ailleurs, si d'autres personnes veulent participer à cette rubrique, moi, j'ouvre ça parce que je trouve que c'est un thème super intéressant qui peut donner en plus des trucs assez marrants parce qu'il y a quand même des histoires drôles. Les avions renifleurs, c'est drôle, quoi. Et je pense qu'il y a plein d'idées. Après, faut voir que ce soit pas trop répétitif ou quoi, mais je pense que pendant un moment, ça peut être marrant, quoi. Et si ouais. d'autres personnes veulent alimenter cette rubrique, je cède ma place bien volontiers. Ouais, Yves nous fait remarquer que quand Robin parle de physique, c'est pour prouver que ça ne fonctionne pas. Enfin, pas aussi bien que les maths. Je ferai un truc. Le prochain sera sur les maths. Ok, bah merci Robin pour cette rubrique. Et on enchaîne avec le blog audio qui a été préparé cette semaine. Donc c'est le retour des blogs audio qui a été préparé par Julie. On l'écoute, on commente après. L'invasion des cigales, les nombres premiers et l'US Navy par Karim Madjer sur le blog Sweet Random Science. Après la physique des manchots, un court article sur les cigales. Comme vous le savez sans doute, la partie est des États-Unis faisait face à une invasion massive de cigales l'année dernière. Les spécialistes s'attendaient à un déferlement gigantesque de Magicicada septentrionale. Entre 30 et 100 milliards de cigales, dont 1 milliard dans la ville de New York seulement. Une invasion spectaculaire mais inoffensive si on exclut les nuisances sonores. Le chant d'une cigale peut atteindre 100 décibels, soit l'équivalent du bruit de la circulation intense sur les avenues de la mégalopole. À la fin du printemps, surgissant de la terre où elles étaient restées blotties pendant 17 ans, elles vivront 6 semaines intenses avant de passer le témoin génétique à une autre génération. En raison de leur cycle de vie particulier, elles sont aussi appelées cigales périodiques. Le magnifique petit film réalisé par Samuel Orr illustre ce cycle fascinant. Pourquoi 17 ans ? Mais pourquoi 17 ans alors que les cigales sortent chaque année en France ? Pourquoi une telle longévité quand la plupart des insectes vivent quelques mois ? Et surtout pourquoi pas 16 ou 18 ans ? Une des explications avancées est celle du paléontologue américain Stephen Jay Gould. Le cycle de 17 ans permettrait aux cigales d'éviter les prédateurs ou les parasites au cycle plus court ou plus long grâce à une petite astuce mathématique. Le nombre 17 a en effet la particularité d'être un nombre premier, c'est-à-dire un nombre entier naturel divisible par 1 et par lui-même. Autrement dit, ce nombre n'a pas de sous-multiple. Les 10 premiers nombres premiers sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 et 29. En adoptant un cycle long, dont la durée n'est le multiple d'aucun autre nombre inférieur, la cigale a trouvé une stratégie efficace pour préserver son espèce. Supposons par exemple que cette année, un prédateur ayant un cycle de 1 an, qui vit 1 an en ayant eu le temps de se reproduire, s'attaque à une cigale dont le cycle est de 17 ans. Il se gavera de cigales en 2013 et donnera naissance à une nouvelle génération nombreuse et bien nourrie. En revanche, l'année suivante, en 2014, il n'y aura aucune cigale. En fonction de la part que représentaient les cigales dans son régime, la nouvelle génération de prédateurs sera donc plus ou moins affaiblie. Il lui faudra attendre 17 ans pour rencontrer les cigales de nouveau, ce qui laisse le temps de laisser mourir tout prédateur dont la survie dépend de la présence des cigales. Idem pour un parasite. Si son espérance de vie est inférieure à 17 ans et qu'il ne peut infecter que les cigales, il mourra sans se reproduire. La durée inhabituelle du cycle de la bien nommée septendécime est donc déjà une bonne protection en soi. Mais ce n'est pas tout. Considérons maintenant un animal dont le cycle serait de 2 ans. S'il croise septendécime en 2013, la prochaine rencontre aura lieu dans 34 ans, 2 fois 17, en 2047. Un animal au cycle de 3 ans devra patienter 51 ans, le record de longévité chez les insectes. Et de façon générale, un animal avec un cycle de N années, N étant inférieur à 17, reverra les cigales 17 années plus tard. En revanche, si la cigale avait un cycle de 16 ans, elle rencontrerait aussi tous les animaux dont les cycles sont de 2, 4 et 8 ans, les sous-multiples de 16, ce qui est 4 fois supérieur au nombre de rencontres avec un cycle de 17 ans. Un cycle de 15 ans ou de 14 ans ne serait pas très satisfaisant non plus, car 15 et 14 sont des multiples de 3, 5 et 7. En fait, le nombre premier précédent 17 est 13. Et, comme par hasard, une autre espèce de cigale vivant dans le sud des États-Unis a un cycle de 13 ans. Deux groupes de cigales ayant respectivement un cycle de 13 et de 17 ans se croisent tous les 221 ans, 13 fois 17. Actuellement, 15 couvées de Magicicada septendécime sont répertoriées aux États-Unis, dont certaines sortent la même année, l'année prochaine par exemple. On attend deux invasions. Autrement, les couvées ne se croisent jamais. Le mystère acoustique de la cigale. Comment un si petit insecte peut-il produire autant de bruit ? À vrai dire, cette question simple n'a pas encore trouvé une réponse complète, car le fonctionnement des organes qui permettent à la cigale de produire son chant tonitruant est admirablement compliqué. Chez la cigale, le son est produit par les mâles, uniquement au niveau de l'abdomen, rien à voir avec les criquets qui frottent leurs pattes. Celui-ci est presque creux, Les organes sont compressés aux extrémités. Il contient également un curieux appareil qui constitue la source primaire du son, deux cymbales semi-rigides qui, actionnées par de puissants muscles, produisent un claquement puissant à un rythme effréné plusieurs centaines de fois par seconde. Les observations des scientifiques ont permis de savoir au moins une chose. Le problème est beaucoup plus complexe que prévu. Les claquements, par exemple, sont produits en déphasage. Ils sont accompagnés d'une déformation de l'abdomen et de vibrations au niveau des minuscules côtes qui constituent l'infrastructure soutenant la membrane des cymbales. L'intensité du son produit est reliée à ces déformations de façon non linéaire, ce qui complique encore un peu les choses. Par ailleurs, la cigale est capable de moduler le son en relevant ou en abaissant son abdomen. Des chercheurs de l'US Naval Undersea Warfare Center travaillent activement sur des modèles physiques susceptibles de reproduire les propriétés sonores de l'abdomen de la cigale, mais pour l'heure, la façon dont les différents effets se combinent pour donner un son assourdissant demeure une énigme. La marine devra donc patienter encore un peu avant de pouvoir équiper ses sous-marins de sonars miniatures surpuissants. Vous venez d'entendre « L'invasion des cigales, les nombres premiers et l'US Navy » par Karine Madjer, publié sur sweetrandomscience.blogspot.fr en juin 2013 et interprété par Julie en juin 2014. Formidable billet, merci à Karim et puis merci à Julie pour l'avoir ravivé en version audio. Alors pendant la diffusion, on a David Loureiro qui nous a remarqué dans la chatroom que Robin en avait aussi parlé de cette histoire de cigale. C'était à la fin de l'épisode des nombres premiers. Bah oui, c'est une histoire que je connaissais parce qu'effectivement, quand on parle nombre premier, c'est le truc. Quand il y a des gens qui ne s'intéressent pas aux maths et qu'il faut leur parler d'autre chose, il y a la cryptographie et puis ça, quoi. Bah, c'est ce qui fait réagir LGJ dans la chatroom aussi, qui dit qu'il aime bien cet exemple d'application biologique des nombres premiers, mais ce qui l'embête, c'est que ce soit la seule de toute la biologie. C'est un peu ça, ouais. Même de toutes les sciences expérimentales, en fait. Bon, et sinon, il y a un truc qu'on a oublié de relever tout à l'heure, c'est que LGJ a travaillé. Donc après calcul, l'épisode moyen de Podcast Science au sens géométrique est l'épisode 67. Il a donc répondu à une question essentielle. Voilà, on va revenir un petit peu sur, on l'a annoncé dans l'intro, là, dans le sommaire du podcast, je vais revenir sur l'épisode sur les OGM et clarifier quelques points. On a reçu pas mal de commentaires, je pense notamment au dernier commentaire reçu de la part de Valentin Lab et de Christophe Adinqui, je ne sais pas comment ça se prononce, A-D-D-I-N-Q-Y, qui mérite qu'on s'y attarde 2 minutes, un peu plus même en fait. Donc, lorsque Marc Robinson Réchavi était interpellé dans ses commentaires, il y a répondu directement, donc je ne veux pas parler pour lui. Mais dans les deux cas, on nous a reproché la manière de présenter l'épisode comme neutre, alors qu'il serait, selon les commentateurs, pro-OGM. Et c'est là-dessus que je souhaiterais répondre et m'étendre un tout petit peu. Donc tout d'abord, j'assume la pleine et entière responsabilité de cet épisode. J'ai rien demandé à personne, j'ai agi dictatorialement, comme à mon habitude, sans consulter mes comparses. Donc si quelqu'un est en cause, si quelqu'un est à blâmer ou au contraire à féliciter, c'est moi et moi seul et pas l'ensemble de l'équipe du podcast. Voilà, ça c'est posé. Ensuite, sur la manière de présenter l'invité, j'ai commis une erreur, effectivement, et je vous prie de m'en excuser, sincèrement. J'ai indiqué dans le teaser que Marc Robinson Réchavi était taxé de pro-OGM par les anti-OGM et d'anti-OGM par les pro-OGM. Et c'est justement ça l'erreur. Aucun pro-OGM ne l'a taxé publiquement d'anti-OGM. J'étais tellement sûr d'avoir vu un commentaire ou un tweet qui allait dans ce sens quelques semaines avant de rédiger mon teaser que j'ai même pas pris la peine de vérifier si c'était bien le cas. Et ça, bah, c'est juste impardonnable. Donc, une fois encore, vraiment, j'en suis sincèrement désolé. Et pour ce que ça vaut, sachez toutefois que c'était en parfaite bonne foi de ma part. J'avais absolument aucune intention de manipuler les opinions ou de déformer la réalité pour y faire entrer mon point de vue ou mes croyances. Si je pouvais retourner dans le passé et changer un truc, ce serait celui-là. Bon, maintenant sur la perspective anti ou pro ou neutre de l'épisode. Je suis sincèrement désolé là aussi si j'ai pas réussi à faire passer le message de manière claire. Je vais le répéter encore un petit peu en essayant de trouver d'autres mots. Et j'espère que cette fois-ci, le message aura une chance de se frayer un petit chemin ou alors qu'on me donnera des arguments sérieux pour que je reconsidère ma position et que je revoie le message de fond en comble. Donc ma position personnelle d'abord. Moi, je vois le génie génétique comme une technologie. Une technologie peut être utilisée à mauvais escient ou à bon escient. Et je pense que les questions d'éthique s'appliquent davantage aux usages qui sont faits d'une technologie qu'à la technologie elle-même. Prenez les ondes radio, par exemple, on peut s'en servir pour des bonnes choses, comme sauver des vies, communiquer, informer, éduquer. On peut aussi s'en servir pour faire de la propagande nazie. Alors, est-ce qu'il faut condamner la technologie dans son ensemble pour autant ? Moi, je ne pense pas. Mais peut-être que je me trompe. Je serais ravi d'avoir une discussion sur le sujet, si quelqu'un veut bien se lancer, mais avec des arguments, s'il vous plaît. Il ne me semble pas faire sens de se prononcer pour ou contre une technologie sans parler de ses usages. Et si on décide de condamner ou de promouvoir ses usages, ben je pense qu'on doit le faire avec un petit peu de discernement. Alors, suis-je pour des OGM qui n'auraient pour but que d'enrichir des multinationales et affamer le monde, comme ils sont souvent présentés dans les médias ? Suis-je pour des manipulations qui permettraient d'avoir des enfants conformes aux canons d'une époque ? Bien sûr que non. Si ça correspondait vraiment à la réalité, non seulement je comprendrais totalement qu'on y soit opposé, mais je le serais également. Par contre, des manipulations génétiques qui permettraient d'éradiquer la malaria, le cancer ou le sida, je dis pas non. Comme pour tous les autres sujets que j'ai traités sur le podcast, mes drivers étaient autant la curiosité que l'esprit critique. Cet épisode s'inscrit dans la même lignée que tous les autres. Ma question ici, en ouvrant les feux avec d'abord les OGM, est-ce que ça existe, était justement d'avoir un regard critique sur cette représentation qu'on en a, qui est à mon sens non seulement simpliste, mais carrément erronée et limite populiste. C'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir un ennemi commun. De sensibilité plutôt humaniste, plutôt à gauche, du moins de celle d'avant que la gauche ne parle tout le temps de croissance, de sécurité et des prochaines élections, plutôt écolo, tant qu'on ne me force pas à bouffer du bio, plutôt pour le développement durable, je me suis longtemps positionné moi-même contre les OGM à cause de ces représentations, justement. Jusqu'à ce que mon esprit critique finisse enfin par prendre le dessus, que j'interroge mes représentations, que je me renseigne un tout petit peu, pas évident, j'avoue, je reconnais, dans la jungle d'informations biaisées à disposition sur l'Internet mondial et dans les médias classiques, et que je m'aperçoive que ces représentations relèvent une fois encore davantage de la croyance que des faits. Aujourd'hui, un petit peu plus renseigné sur la question, je me positionne plus comme un anti-OGM par principe. Alors pour un militant, ça fait sans doute de moi un pro-OGM, évidemment, selon la fameuse rhétorique « si tu n'es pas contre, c'est que tu es pour », ou « si tu n'es pas avec nous, c'est que tu es contre nous ». Mais là, évidemment, je ne suis pas d'accord du tout, et pas juste à cause du biais de raisonnement. Je me considère comme pro ou anti rien du tout. Mon opinion sur ces questions-là est construite sur des faits, et pas ou plus, du moins, sur des croyances. De ma perspective, une fois encore, les OGM constituent une technologie intéressante et je voudrais pouvoir en parler sans tabou et sans position crispée. Voilà, je crois que j'ai été clair sur le fait que je ne suis pas anti-OGM. Je vais tâcher d'être aussi clair sur le fait que je ne suis pas pro-OGM. J'ai été très sensible aux arguments de Martial de Montmolin, par exemple, c'était dans le follow-up de l'émission, dans le freestyle numéro 172 avec Pascal Lapointe, relatif aux mauvais résultats des OGM contenant leurs propres herbicides, depuis qu'on a un petit peu de recul aux États-Unis. C'est tout à fait logique quand on y pense. Quand on connaît un peu les mécanismes de l'évolution, et notamment cette notion de course aux armements, c'est même d'une banalité consternante. On le voit depuis longtemps avec les antibiotiques, par exemple. Face à la sélection naturelle, ben, nos technologies font juste pas le poids. Une bactérie ou un insecte ou une mauvaise herbe, vous lui mettez des bâtons dans les roues, et paf, au bout de quelques générations, les individus capables de contourner le bâton auront été tellement favorisés qu'ils constitueront finalement le gros de la population et que le bâton ne servira plus à rien. On peut gagner un temps contre la sélection naturelle, mais on évite d'y passer. Alors l'utilisation de ce type d'OGM constitue à mes yeux une erreur, et j'hésite pas à me prononcer contre. Alors à partir du moment où je suis contre au moins un type d'OGM, j'espère que cela suffit à ne pas faire de moi un pro-OGM. Ou si, faut-il être contre tous les OGM par principe pour ne pas être taxé de pro-OGM ? Si c'est le cas, la logique m'échappe. Et d'ailleurs, c'est pas le cas, ce serait pas étonnant, parce que dans ce cas, il n'y aurait plus rien de logique, on serait juste dans le dogme. Dans le cas du riz doré, par contre, jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas où est le problème et je me prononcerai pour. Je me prononcerai également pour tout autre OGM qui apporte une solution à la faim dans le monde ou qui apporte une contribution au grand problème du défi alimentaire qu'on rencontre aujourd'hui. Je pense par exemple à un OGM qui permettrait de réduire la consommation d'eau nécessaire à la production agricole, surtout là où elle fait cruellement défaut. Alors s'il faut revenir sur l'éthique dans le cadre de cette application particulière, je suppose que ce serait, même si c'est pour la bonne cause, a-t-on le droit de manipuler le vivant ? Je pense qu'elle est là, la question fondamentale. Ben moi, je la trouve extrêmement naïve, en vérité. On manipule le vivant depuis le néolithique. Comme l'a très bien souligné Marc Robinson-Réchavy pendant son intervention, pas une seule des espèces animales ou végétales qu'on consomme aujourd'hui n'est naturelle, c'est-à-dire issue de la sélection naturelle. Tout ce qu'on consomme est le résultat d'hybridation et de processus de sélection artificielle depuis 10 à 20 000 ans. La vraie question d'éthique, pour moi, serait est-ce que c'est bien d'avoir fait ça ? De se comporter comme une espèce invasive qui a éliminé tous ses prédateurs, qui a complètement transformé son environnement, qui ne réfléchit parfois pas plus loin que le bout de son nez quand il s'agit de sa propre survie, on pourrait s'y méprendre. Je ne parle pas d'un parasite quelconque là, mais je parle bel et bien de vous et moi, représentant plus ou moins digne d'Homo sapiens, la plus arrogante des espèces que la Terre n'ait probablement jamais hébergée. Vous voulez mon avis ? Je pense que c'est pas terrible, en effet. Mais en même temps, si on s'y était pris autrement, ben on serait très certainement même pas là pour y réfléchir et en discuter. Du coup, ça me semble être une question un peu insoluble, mais qui fait quand même partie de notre histoire. Oui, c'est un grand renfort de manipulation de l'ensemble du vivant que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Alors bien ou pas bien, je vous laisse juger, c'est juste la réalité et je propose qu'on compose avec. Pour la première fois de notre histoire, on a la chance de savoir précisément ce qu'on fabrique quand on manipule le vivant. Je vous rappelle quand même que quand on n'utilise pas les OGM, on recourt la plupart du temps à des mutations aléatoires. En d'autres termes, on n'a aucune idée de ce qu'on fait. Personne ne dit rien. On fait ça avec des radiations ionisantes, c'est-à-dire qu'on shoot les électrons, on ne sait pas lesquels, de l'orbite des atomes, on ne sait pas lesquels non plus, des cellules d'ADN, bien sûr on ne sait pas lesquelles, des espèces qu'on s'amuse à transformer. Et je vous avoue que ça me perturbe beaucoup qu'on s'acharne comme ça sur les OGM, qui sont relativement bien maîtrisés, et qu'on laisse passer sans lever le sourcil la mutagenèse aléatoire. C'est comme ça que ça s'appelle, ce truc-là. Ça me fait penser à ce vieux proverbe qui dit quelque chose comme « voir la paille dans l'œil du voisin et ne pas voir la poutre dans le sien ». Sérieusement, faut se réveiller, là. Bon, je m'enflamme. Mais pour résumer ma position, les OGM tels qu'on se les imagine dans les représentations populaires sont un faux problème. Et j'invite toutes les personnes qui n'auraient pas pris la peine d'y réfléchir plus de 10 minutes de reconsidérer leur position en essayant de déterminer la part de croyance et la part de fait dans la construction de leur perspective. Voilà, alors après cette explication, libre à chacun bien sûr de me ranger dans une catégorie ou dans l'autre, mais personnellement je ne me revendique une fois encore ni anti ni pro OGM dans l'absolu. Comme dit, je suis anti dans certains cas, je suis pro dans d'autres et surtout, surtout, avide d'en savoir davantage. Je voudrais vraiment que la recherche ne soit pas entravée par des croyances et qu'on puisse améliorer nos connaissances sur le sujet. Et c'est pas que je n'ose pas assumer mes positions, hein, quand je dis que je suis ni anti ni pro. On a parlé des vaccins il y a 15 jours, ça ne me pose absolument aucun problème de me revendiquer en général pro-vaccin. Ceci dit, si un vaccin devait ne pas tenir ses promesses, je me prononcerais volontiers contre. J'en fais pas une position idéologique non plus. Mais là aussi, une position basée sur des faits et pas sur des croyances. Et les faits, c'est que les vaccins, ça marche. Voilà, c'est une histoire personnelle aussi. J'ai passé une bonne partie de ma vie à me contenter de sucer la pastille bleue, pour reprendre l'image de The Matrix. Je vous jure que ma vie était à de nombreux égards bien plus confortable quand je me posais moins de questions. J'ai fait le choix de croquer à pleines dents la pastille rouge il y a quelques années. Et quand on se défait progressivement de son système de croyances, je vous assure que la vie devient un lieu très flippant. Ne jamais se satisfaire de réponses toutes faites, mais toujours creuser un peu plus loin est non seulement épuisant, mais c'est carrément anxiogène. Mais au final, c'est quand même plus confortable. Une fois encore, je vous invite tous à challenger vos représentations, et si vous n'êtes pas prêt maintenant, gardez ce plan dans un coin de votre tête pour plus tard. Enfin, si vous voulez bien, bien sûr, j'ai naturellement aucune leçon à vous donner, je m'emporte à nouveau. Et bon, c'est pas moi qui étais accusé d'être pro-OGM, mais l'épisode lui-même. Donc, indirectement, je suppose mon invité, Marc Robinson-Réchavy. Alors, il a certes un style un peu cassant, c'est un type brillant, et lorsqu'il est confronté à une position qu'il juge stupide, ben, c'est pas forcément le champion du monde de la diplomatie. Je le savais en l'invitant, j'ai fait le choix de l'inviter quand même, ai-je bien fait ou pas ? Ben, à vous de me le dire. Personnellement, je pense que si, même si je trouve qu'il a tapé un peu fort sur Martial de Montmolin, auquel je me suis permis d'accorder du coup un très long droit de réponse la semaine suivante. On a reçu quelques courriers qui nous disaient, en gros, « J'y avais jamais vraiment réfléchi, et les raisonnements de votre invité m'ont amené à revoir ma manière de penser. » Alors, ne serait-ce que pour ces quelques auditeurs, je pense que c'était une bonne chose que d'inviter Marc. Il avait le rôle difficile de secouer un peu les consciences, et c'est toujours extrêmement difficile de placer le curseur pile au bon endroit. Surtout que là, il s'agissait de démolir des croyances, et c'est jamais confortable. Ça fait toujours mal la première fois. Je pense à tous ces arguments anti-OGM qu'on a examinés un par un, et qui pour la plupart ne sont au final pas spécifiques aux OGM, mais au monde des cultures, au mode de culture actuel. Alors, je vais pas une nouvelle fois expliquer qu'il n'est pas lui non plus ni pro ni anti-OGM. Il l'a dit et redit en employant de nombreuses métaphores. Aux personnes qui préfèrent penser qu'il ment, bah, je sais pas quoi répondre. J'avoue que je suis à court d'arguments. Être pro ou anti, ça veut dire maintenir sa position quelles que soient les données à disposition. Bah, croyez-le ou non, c'est pas plus son cas que le mien. Lui comme moi ne demandons qu'à changer d'avis. Pas seulement sur ce sujet en particulier, mais sur de nombreux autres également. Et si pour ma part je ne suis qu'un piètre amateur, admirateur de la démarche, c'est scientifique, comme vous le savez, si vous suivez le podcast du début. Marc, en revanche, lui, est un vrai scientifique, sans doute l'un des plus intègres intellectuellement qu'il m'ait été donné de rencontrer. Et contrairement à ce que pourrait laisser supposer le ton un peu véhément de cette petite note de clarification, je le concède, qui touche à sa fin, je vous rassure, je suis totalement ouvert au dialogue. Je ne demande que ça même. Alors, on en discute quand vous voulez, mais venez préparer, parce que Si je suis accusé de n'importe quoi à tort et à travers, je risque bien de me défendre comme je viens de le faire ici et de vous saouler pendant une heure. J'ai cité deux auditeurs en préambule. J'espère ne pas les avoir offensés en les interpellant d'emblée dans ma petite diatribe, sincèrement. Appelez-moi Bisounours, mais l'idée de faire du mal à qui que ce soit m'est proprement insupportable. Je m'appuyais sur leurs interventions simplement pour répondre de manière générale. Ce sont d'ailleurs les seuls messages que nous ayons, que nous avons. Ce ne sont pas d'ailleurs les seuls messages que nous avons reçus allant dans ce sens-là, mais ce sont les deux derniers. Vous connaissez ma pauvre mémoire. Donc c'était Valentin, avec qui nous étions allés faire un petit tour il y a quelques années au Palais de la Découverte. Et Christophe, qui nous suit également depuis quelques années, bah, tous les deux, je vous remercie de tout mon cœur d'être fidèle au poste depuis si longtemps et d'avoir pris la peine de vous exprimer sur le sujet. Entre vieux compagnons de voyage, c'est normal qu'on ait des désaccords de temps en temps, sans rancune, j'espère. D'autres questions ? En tout cas, bravo, Alan, c'était très bien dit. Merci. Merci. Et on enchaîne sur, enfin, le retour sur les émissions précédentes, ce qui, après une bonne heure d'émission, commence à être le moment. Donc, retour sur les émissions précédentes. Irène ? Ah oui, d'accord, c'est en rose. D'accord. Donc, depuis le dernier freestyle, on a parlé d'Hilbert, ordinateur quantique, d'Alas de la génétique, maths et musique et vaccins. On a reçu aussi plein de messages sur des dossiers plus anciens. On ne pourra pas tous vous les mentionner, mais un immense merci à Draculiato, Yves, Orgams, Terence, Marc, Hou, Valentin, Christophe, Pascal, Frédéric, Alexandre, Fabrice, Toupo, Aude, Gaudry, Damien, Steph, Stéphane, Guillaume, Maxime, Nawok, Erwan, Floridima, Philippe, Vincent et Nathan. Et on en oublie sûrement. Ouais, et donc ça commence par le dossier sur Hilbert. Alors Fabrice nous dit « Perso, j'ai bien aimé ce dossier ». C'est intéressant, l'histoire des sciences, de voir que les maths telles qu'elles sont aujourd'hui n'ont pas été pondues telles quelles par notre prof de maths sur le tableau noir. Eh ben super. Je sais pas si tu avais un commentaire aussi, Robin, là-dessus, parce que ça rejoint un peu ce que tu nous as fait comme rubrique. Quoi. Oui, que ce n'est pas un long fleuve tranquille, qu'on sait pas où on va. C'est ça. Je crois qu'il y a eu quelques autres messages sur Hilbert, mais ce n'était pas un des dossiers où il y a eu le plus de messages. Du coup, on va passer plutôt au suivant, aux ordinateurs quantiques, dont la retranscription a été publiée aujourd'hui. Ben merci Julie. Merci Julie. Et merci Julie pour la préparation de cette émission aussi, au passage. Aussi, ouais. Aussi. Merci Julie. Merci. Alors, un commentaire donc à propos de l'épisode sur les ordinateurs quantiques. Merci pour ce super épisode que je viens de finir d'écouter. Bravo à Sylvie Tissot pour réussir à prononcer le mot quantique sans faire exploser les ventes de paracétamol, même si je n'ai pas compris comment on fait des algos déterministes avec des trucs intrinsèquement non déterministes. Par contre, j'ai une question concernant Alice et Bob. Si j'ai bien compris, pour que ça marche, le photon ou la particule, et non ses propriétés, doit passer de l'un à l'autre. Il faut donc ne pas transmettre un signal, mais bien une particule. Cela me paraît interdire la notion de routage et rend donc la chose inutile en pratique. Je suppose qu'il y a une faille dans mon raisonnement, mais je ne vois pas laquelle. Nico, tu avais une réponse là-dessus ? J'avais une vague réponse de ce que j'avais compris de ce que disait Sylvie globalement et un peu de toutes les remarques qu'on avait eues en discutant, c'est qu'on est aux prémices, quoi. C'est-à-dire que oui, pour l'instant, on peut pas faire des ordinateurs tels qu'on les imagine aujourd'hui avec des routeurs, avec des transmissions lointaines, proches et compagnie. On peut faire, c'est ce que disait Sylvie, un truc qu'on a mis plusieurs années à fabriquer qui fait la taille d'une salle pour faire une multiplication et une seule, ou une division et une seule. Donc on est aux prémices, donc j'imagine que c'est des problématiques qui en effet sont compliquées, qui sont sans doute pas encore résolues, mais qui on espère le seront ou pas, hein. Ce sera peut-être un autre usage. Ouais, on précise juste que c'est un message de Pascal. Moi, je suis pas sûr d'avoir bien compris sa question, en fait. Est-ce qu'il parle d'intrication, là, quand il parle de propriété qui doit passer de l'une à l'autre ? Ce que j'ai compris, moi, c'est qu'en gros, il dit à un ordinateur quantique, on a des qubits, et si on veut transmettre ces qubits d'un ordinateur à l'autre, on n'est plus en train de transmettre une information, mais c'est vraiment la particule en elle-même qu'on est censé transmettre. Quoi. Ah oui, mais Sylvie avait été claire là-dessus. Elle disait qu'on ne peut pas. En fait. Oui, qu'on ne pouvait pas. Enfin, en tout cas, ouais, aujourd'hui, on ne savait pas faire. C'est ça. Ouais. Non, mais oui, voilà. On processe juste les qubits, mais on n'en fait rien d'autre. On ne les stocke pas. Aujourd'hui, de toute façon, Sylvie a dit qu'on était très, très limité. C'est-à-dire que non seulement on n'avait pas de transmission, on n'avait pas de stockage, et on n'avait même pas la plupart des portes logiques qu'on utilise en informatique classique qui permettent de faire de la programmation. Donc, en gros, aujourd'hui, ce qu'on appelle ordinateur quantique, qu'on a même laissé comme titre ordinateur quantique, c'est absolument pas un ordinateur, c'est une machine à faire quelques calculs vite fait. Quoi. C'est vraiment les prémices. Bon, Pascal vient de préciser qu'il parlait du cryptage quantique. J'avoue que moi, cet épisode-là, je l'ai un peu raté parce que je crois que j'étais en train de préparer le teaser de mon dossier que je faisais la semaine d'après. Donc, et que, en plus, ça parle de physique quand même. Donc, Alors, le cryptage quantique, en fait, justement, là, ils vont transmettre une particule d'un endroit. Enfin, ils vont transmettre un état d'un côté à l'autre. Alors, je ne sais pas sous quelle forme. Et c'est, de ce que j'avais compris, c'est surtout que ça utilise le fait que si on regarde à l'intermédiaire, ben, on modifie cet état, donc on sait que ça a été regardé. Mais après, je ne sais pas plus en détail. Bref, il y a encore des choses à fouiller, mais bon. De toute façon, ce qui est sûr pour rejoindre, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup des choses qu'on a aujourd'hui dans les ordinateurs normaux qui sont absolument pas résolues avec les ordinateurs quantiques. Donc, moi, ce que j'ai compris de cet épisode, je sais pas vous, c'est que concrètement, les ordinateurs quantiques sont pas des ordinateurs pour l'instant. Ouais, moi, je m'imagine les ordinateurs quantiques exactement comme la machine de Babbage qu'on peut voir. Voire même, j'ai l'impression moins évolué que ça. C'est peut-être même plus des règles à faire des multiplications comme on avait, tu sais, où on fait glisser une règle par rapport à l'autre, quoi. C'est comme la calculatrice de Pascal, celle qu'on peut voir au musée des arts et métiers. Moi, je vois même limite plus un truc comme ça, c'est-à-dire où on peut quasiment rien faire à part trois multiplications. Bon, la machine de Babbage, elle est grande comme ton salon, là, puis elle pouvait juste faire des additions ou juste des soustractions, je m'en rappelle plus. C'est vrai ? J'avais l'impression qu'elle pouvait pas faire grand-chose. Il y avait une mémoire dans le truc de Babbage. Je sais plus exactement, mais il y a des programmes quand même. Il y avait des programmes qui étaient faits sur des cartes qui venaient des machines à tisser. Et il y avait... Ça faisait un peu de trucs quand même. Ah bon, ok. Autant pour moi. Bon, sinon, on a eu un retour sur une autre émission, celui de notre ami Billy sur le Dallas de la génétique. En fait, on a eu plusieurs retours, mais Julie a opéré une petite sélection. Donc là, on a un message d'Aude qui dit « Bonjour à toute l'équipe de Podcast Science. Je viens d'écouter l'épisode 175 Dallas génétique. Franchement, super. J'adore !» Avec plein de O. Billy, qu'est-ce que j'aurais aimé l'avoir comme prof ? C'est vraiment le genre de prof qui pourrait te faire aimer n'importe quel cours. Elle est drôle, passionnante, c'est un réel plaisir de l'écouter. Je ressortirai cette citation en tout cas, on n'est pas relou, on est organisé. Bonne continuation, bisous à tous, Aude. Je crois que c'était une citation des bonus. Ouais, mais c'était toi d'ailleurs. Oui, c'est quand on essayait de faire que Billy nous rejoigne, parce qu'elle refuse de rejoindre Podcast Science, pour une histoire de blog, je crois. T'es dur. Blog pour lequel tu vas immédiatement faire un petit peu de promotion. C'est Science à Billy. Voilà. Excellent blog, dont on a déjà fait des blogs audio et voilà. Et de toute façon, on va revoir Billy concrètement. Bah, bien sûr, on peut pas se passer de Billy. On sait plus sur quoi, 15 octobre. C'est le thème, c'est le vieillissement du vieillissement, coup. Je crois, ouais. Voilà, elle va venir nous parler des vieux. Sinon, on a eu plein de retours ces derniers jours sur la dernière émission de Robin, Math et Musique. On a eu un message notamment de Steph qui nous dit un très très grand bravo. Depuis des années, je me posais des tas de questions sur la musique, le solfège, les touches noires du piano, etc. Depuis que je vis au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, pays de violoneux, comme on dit ici, je suis très souvent entourée de musiciens très talentueux. Et même, surtout, eux n'ont jamais réussi à répondre à toutes mes questions et à m'expliquer la musique d'un point de vue logique. Mais ça, c'était avant. Je rejoins complètement Irène qui disait qu'elle n'avait jamais eu le bon professeur. Pour moi, le dossier de Robin a été une révélation, notamment le coup de l'horloge et le coup du morceau en noir et blanc avec un accord en couleur à la fin. Bref, un immense merci et un très grand bravo pour le dossier. Vivement le prochain dossier musique avec ce fameux Toré. PS, ici, les très bons violonistes jouent des quintes parfaites, quintes pures, car sur un violon, il n'y a pas de fret. D'un accord à l'autre, la même note peut donc être jouée un peu en dessus ou un peu en dessous pour être parfaitement en harmonie, aux deux tiers donc, avec la note qui l'accompagne. Oui, non, c'est sûr que le problème des quintes se pose que sur le piano, la guitare, etc., où on n'a pas les notes qu'on veut exactement. Sur tout ce qui est violon, sur tout ce qui est... Enfin bon, il y a une continuité de notes. Les musiciens professionnels savent faire des quintes justes, évidemment. Et sur le problème des quintes justes, justement, Xavier Durussel nous a mis en contact avec Jean-Daniel Noir, un spécialiste qui nous a donné quelques éléments supplémentaires. À ce problème, il n'existe pas de solution, juste des manières de faire. La gamme, comme tout en ce bas monde, comporte un défaut. On peut le répartir également sur tous les demi-tons, ce qui nous donne le tempérament égal, moderne, encore en vigueur et enseigné dans les conservatoires. Une aberration stupide. On peut aussi accepter le défaut et le placer opportunément à des endroits avantageux, ce qui confère à la musique une impressionnante variété de couleurs en fonction des harmonies produites. C'est ce qu'on appelle tempéré, voire bien tempéré, pour citer Bach par exemple. Il existe de nombreuses théories qui remplissent des volumes de bibliothèques sur le sujet. Comme je le disais en introduction, des manières de faire, mais pas de solution. Et il est déjà prouvé que de solution, il n'en existera pas dans notre existence. C'est exactement comme Pi. Bonne journée. Je veux pas mettre un rapport avec Pi. Mais si c'est exactement comme Pi, on a prouvé que ça se terminerait jamais, qu'il n'y aurait pas de période, j'imagine, un truc comme ça. Bah oui, non, j'espère l'avoir expliqué, j'espère que les gens l'ont compris, qu'effectivement, il n'y aurait pas de solution. Ça, c'est pas très compliqué. Il suffit de savoir que 2 × 2 × 2 × 2, un certain nombre de fois, ça sera jamais 3 × 3 × 3 × 3, un certain nombre de fois. Et voilà. On sait qu'il n'y aura pas de solution. Maintenant, je suis très, très impressionné d'avoir des retours positifs sur un épisode où je m'en suis voulu parce que j'étais trop plein de boulot et que donc j'ai eu l'impression de l'improviser beaucoup trop. Je vais essayer de faire un dossier écrit un peu plus structuré et avec tous les sons que j'avais prévu de mettre introduits dedans parce que j'ai été un peu frustré de le faire trop à l'arrache. Bon, moi, je l'avais trouvé vraiment très instructif hein, quand même. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé cet épisode. C'était du grand Robin. Franchement, si t'étais un peu mieux préparé, un peu plus organisé, ce serait plus tout à fait toi. Ouais, on s'embêterait, quoi. Ouais. Là, c'était drôle. On avait l'impression de vivre la création de l'épisode en direct. C'est ça. C'est juste que j'ai passé la moitié des sons que j'avais préparés, quoi. Parce que tu les avais préparés. J'avais préparé plein de sons, j'en ai passé que la moitié, parce que les autres... Préparé, ça veut dire avant le début de l'émission. Hein. ou pendant le début de l'émission. Bon, allez, on enchaîne. Bon, ben sinon, on aurait encore plein de messages à vous diffuser sur les émissions, mais l'heure tourne. On vous invite à aller faire un tour sur les commentaires des dossiers et des notes d'émissions, où nous ou vos invités répondent à vos questions en général. Ben, du coup, on passe aux messages plus généraux d'auditeurs. Namak nous a envoyé « Bonjour, podcast science. J'ai un problème, j'ai éteint ma télé, et à la place, j'écume vos archives depuis des semaines à raison de 3-4 podcasts par jour. Je n'ai découvert ces machins technologiques que très récemment. Et voilà que j'arrive au bout du stock. » J'en ai profité pour en réécouter certains, les dossiers abscons, des fous mateux, ça va sans dire, plusieurs fois, avec toujours le même plaisir. Bref, disais-je, insouciant, je remontais le fleuve jusqu'au numéro 170, 171, 171, puis patatras, le 172, ce chiffre maudit qui annonce le vide sans fluctuation quantique, le néant infini. Je cherche désespérément le 173 et ceux qui suivent, je panique. Rendu à chiner des références à votre programme dans le dernier ouvrage des Bogdanov, vos nouveaux confrères, puis je me rends à l'évidence. Podcast Science ne produit qu'un malheureux numéro par semaine. Le choc. C'est une boulangerie artisanale qui produit ses petits pains à l'unité. Bon, les gars, comment vous dire? On se sort les doigts du... et on chauffe les fourneaux pour me produire mes 4 podcasts par jour. Je ne veux plus de soirée télé entre 4 yeux avec les experts Miami ou à Manhattan. Si vous ne vous activez pas, vous aurez sur la conscience la chute vertigineuse de mon encéphalogramme qui, une fois complètement plat, viendra hanter vos ondes en faisant grésiller vos micros comme un fond diffus cosmologique. Longue vie à vous, cordialement, Nawak. Bon, alors Nawak, moi j'ai 2 mots à te dire. Ouais, parce qu'on a des choses pour les gens comme toi. Ouais. Déjà, on n'est pas le seul podcast au monde. Il y en a plein d'autres. Alors déjà, des podcasts scientifiques. Bon podcast. Mais non, c'est pas vrai. Des podcasts scientifiques qui commencent à y en avoir foison. On peut parler de celui de David Loureiro, Lisez la science. Au niveau longueur, là, il va le bouffer en 1 heure ou en 2 heures suite de David. Là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, il n'y a pas que celui-là. Il y a un des sciences aussi. Ça vaut la peine de l'écouter toujours. Il y a un petit dernier qui vient de faire son apparition dans la podcastosphère scientifique. C'est Entre Podcasts de notre ami Jonathan. D'ailleurs, Jonathan, t'es dans les coulisses. C'est toi qui passes les jingles. Tu veux nous en dire un mot? C'est maintenant ou jamais, vas-y. Maintenant ou jamais, alors maintenant plutôt. Voilà. C'est un podcast sur l'anthropologie qui a pour but de parler de l'anthropologie, mais à la base, au début. Alors je fais un podcast sur le voyage, hein, donc les 4 premiers épisodes, ça lie le voyage et l'anthropologie parce qu'on voyage souvent, beaucoup, en se posant beaucoup de questions et généralement on rentre chez soi, on n'a pas les réponses et les réponses se trouvent chez les anthropologues qui ont écrit beaucoup de livres qui sont super intéressants. Mais qui sont aussi super longs et super compliqués et qu'on arrête généralement de lire au bout d'une quinzaine de minutes parce que c'est trop dur et qu'il faut chercher chaque fois les mots dans le dictionnaire. Et là, justement, en 15 minutes, ça te permet d'expérimenter, d'apprendre un peu des nouvelles choses sur l'anthropologie. La dernière fois, on avait parlé de ce que c'était un anthropologue, de la différence qu'il y avait entre un anthropologue et un voyageur. Et puis, cette fois-ci, on a parlé du concept du bon sauvage, qui est aussi intéressant. Par contre, bon, ça va pas combler ton besoin de podcast parce que c'est seulement un quart d'heure et toutes les 2 semaines, donc désolé. Hein. Mais on fait volontiers plus, hein, si t'as beaucoup d'argent à donner, je suis sûr que podcast science et entre podcasts, on peut faire un tous les jours. 4 podcasts par jour, même avec de l'argent, ça va être compliqué. Hein. Ouais, avec y a moyen. Plein de fric, ça se négocie. Ouais, plein de fric, ça se négocie. On fait travailler les petits esclaves, tout ça, y a pas de souci. Avec beaucoup d'argent, on trouvera toujours une solution. Ouais. Sinon, avant que tu oublies, y a aussi le podcast de David, David de Podcast Science. Ah bah ouais, bien sûr. Il y en a ouais. Plein là, et ouais. Là, t'as de quoi bouffer. Ouais, non, c'est vrai. Voire même quoi réécouter, parce que ceux sur l'intelligence artificielle, il y a moyen que tu les écoutes plusieurs fois. Vie artificielle. Ouais, ça s'appelle vieartificielle.com. Et puis dans 12 minutes 2, de temps en temps, il parle de sujets de science aussi ou d'histoire des sciences, notamment les aventures de Newton. Ça, c'est absolument génial. Et puis on a le droit de s'intéresser à autre chose que la science aussi. Et puis, pourquoi il y a des podcasts de maths? Puis il y a la constante, celui sur... ah oui, la constante cosmologique. Ça, ouais. Ouais. Bon, et sinon, il y a quand même une autre solution qui t'occupera beaucoup plus de temps et qui sera beaucoup plus efficace, c'est que tu viennes nous faire un dossier, quoi. Alors ça, c'est clair. Ouais. Tu verras que ça va t'occuper 2-3 soirées. Il y a un sujet où tu es curieux, bah, tu te mets à lire 2, 3, voire 4 bouquins, vu que tu as du temps à perdre, et puis tu rédiges un dossier, on le corrige, on repasse, et puis... Il y a aussi une solution, c'est que tu apprends l'anglais et tu écoutes tout ce qui se fait en anglais. Ouais, il y a David Loureiro qui propose Dr. Carl aussi, et je suis tellement d'accord, c'est mon idole absolue, c'est formidable. Et puis autrement, bah ouais, j'ai une liste de podcasts en anglais à te fournir. On a oublié dans la podcastosphère amateur francophone notre vieil ami à Brassard quand même. Ah oui, c'est vrai, oui. En plus, là aussi, il y a de quoi bouffer. Ouais, c'est vrai, donc scepticisme scientifique. Donc voilà, une fois que tu auras écouté tout ça, Nawak, et que tu auras présenté un ou deux dossiers, tu peux revenir râler, il n'y a pas de problème, on est ouvert. Mais j'aime beaucoup comment tu râles. Oui, moi j'aime bien l'image de la boulangerie en plus. Ouais, c'était excellent. Ouais. Merci pour le message. Bon, on passe au message de Sylvain, peut-être. Alors, on a Sylvain qui nous dit un grand merci et un gros bravo pour vos podcasts. Cela fait maintenant 3 semaines que j'ai découvert Podcast Science. Merci Netophonics. Et j'écoute un à un vos podcasts depuis le tout premier. Je n'en suis qu'au numéro 42, mais je ne perds pas espoir de raccrocher d'ici quelques mois. Je suis impressionnée de la qualité de vos dossiers, du travail que vous fournissez et des invités que vous faites venir ou intervenir. Chaque épisode est une nouvelle découverte, de la cosmologie à la biologie, en passant par la psychologie. Bref, beaucoup de plaisir à se cultiver à vos côtés. Côté sujet, avez-vous déjà pensé à faire un dossier sur la météo, sa prévision et les principaux phénomènes qui la dirigent ? Bonne continuation pour le dossier sur les vaccins que je pourrai écouter au mois de septembre. Alors, moi, je ne sais pas s'il y a un dossier sur la météo, mais comme je suis monitrice de parapente, la météo, c'est super important pour moi. Donc, en fait, j'y avais pensé. Donc, on verra. Eh ben, comme dit Billy. Fait. Voilà. Non, c'est pas comme dit Billy, là. Attends. Non, ouais. C'est quel jour à 16h ? Ah, d'accord. Ok. Bon, ouais. je vais y penser, d'accord ? D'accord. Mais j'aime déjà beaucoup en train de nous mijoter quelque chose. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup la météo. Ouais. Ok, et puis concernant le dossier sur les vaccins, tiens, enfin c'était pas un dossier, c'était l'interview de Nima la semaine dernière. Nous aussi, on pourra l'entendre avant le mois de septembre. Ouais, faut que je le monte. Si une bonne âme veut le monter, je suis pas contre. Hein. J'ai pas eu une seconde à moi, je commence à avoir des secondes à moi, donc là je m'occupe un peu de chez moi où on est tous handicapés, et puis après je passe au montage. Ok, et puis enfin, on avait un message de Guillaume qui nous dit « Bonjour toute l'équipe, j'ai un petit défi pour vous. J'aimerais comprendre comment la géométrie non commutative va révolutionner la physique fondamentale. Problème, c'est un sujet assez hardcore. Vous vous sentez de faire un dossier là-dessus ? Continuez comme ça. » Ça t'a un petit peu intrigué, non ? Oui, bah, j'ai vu géométrie non commutative. Ma première réaction, ça a été de me dire « Je ne vois pas en quoi ça va révolutionner la physique fondamentale. Il n'y a rien de nouveau à faire de la géométrie non commutative. » Donc bon, je me suis dit, c'est quoi ce truc-là? Puis je tape et je vois qu'il y a une page Wikipédia dédiée à la géométrie non commutative. Déjà, c'est louche. Si c'est un truc pas important, avoir une page Wikipédia, sur le vrai Wikipédia, j'entends, dédiée, c'est assez louche. Et puis je tombe sur une vidéo d'un gars, et là je me dis, putain, ce qu'il présente, soit le mec c'est un grand truand qui raconte n'importe quoi, soit c'est un mec brillant. Du coup, je cherche le nom de ce mec-là, et là je vois que c'est un mec qui a eu une médaille Fields. Donc je me dis, bon, en fait, il y a peut-être des trucs intéressants. Bon, tout ça pour dire qu'on a invité Alain Cohn à venir dans le podcast. On n'a toujours pas de réponse, on espère beaucoup. Parce que t'aurais juste pu m'en parler, t'aurais gagné 2-3 minutes. Ouais, parce qu'Alain Cohn... C'est marrant de faire la démarche, cette vidéo sur YouTube... Je t'aurais assez vite dit que c'était pas rigolo. Cette vidéo sur YouTube était tout à fait passionnante, en plus. Oui, sauf que j'ai regardé le début, mais je pense que c'est la même que j'ai vue... Tu comprends 5 minutes et puis après... En fait, non, globalement, tu ne comprends rien. Enfin, en fait, je pense que ça fait un peu l'effet d'écouter un dossier de maths dans Podcast Science. C'est que tu ne comprends pas tout, mais tu te sens porté, quoi. C'est-à-dire que tu suis vaguement les idées. Tu comprends 5 minutes. Et j'avoue que je n'ai toujours pas compris ce qu'était la géométrie non commutative. Bref, j'ai investi dans son bouquin. Je n'ai pas encore eu le temps de commencer trop. Je vais avancer. Je pense que ça va prendre du temps. D'ici un an ou deux, on devrait... avoir des choses là-dessus. Par contre, j'aurais du mal à parler pourquoi ça va révolutionner la physique fondamentale, mais mon objectif est de savoir ce que c'est que la géométrie non commutative. Ce qui, à mon avis, serait déjà un bel objectif. Moi, j'avais un angle pour parler de physique quantique, ce qui peut surprendre, évidemment, mais ok, parce que ça serait très lié à la théorie des nœuds, théorie des tresses qui m'amuse. Mais on va voir, parce que c'est pas très radiophonique, quand même. Si pour la prochaine saison, vous voulez plus qu'il y ait Robin, parce que Robin fait trop de physique, vous pouvez le dire dans des commentaires. Ça, c'était excellent. Et voilà, donc sur la géométrie commutative, donc moi l'objectif c'est de comprendre au moins ce que c'est, et du coup si je comprends ce que c'est, ben, je vous en ferai un dossier, j'aurais pas perdu du temps pour rien. Et d'abord j'ai d'autres dossiers en perspective. Bon, ben on a hâte quoi. C'est ça, et j'attends la réponse d'Alain Cohn. Sinon, on a Julie qui nous a ressuscité une rubrique qu'on avait un petit peu laissé mourir, c'est le son de la semaine. Alors je sais pas, faut qu'on propose un truc dans la chatroom, pour la première personne qui reconnaît de quoi il s'agit, il y aura un cadeau. Vous pouvez me laisser tranquille. Je suis une mouche et j'explore le monde. Hey, salut! Je vais peut-être pas le faire ici, en fait. Alors déjà, avant toute chose, je suis pas un hérisson, ok? Non, mais vous avez déjà vu un hérisson avec quatre glands? Non! Alors voilà! On ne dirait pas comme ça, mais je suis très viril. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vais mourir si je pond ça. Et, genre une césarienne, vous faites ça aussi pour les kiwis? Mais répondez-moi, mais vous parlez pas. Et vous êtes parti, je suis dans la merde. Oh non, mais c'est bon là. Alors, je crois qu'on Pascal a trouvé la réponse dans la chatroom en premier. Ouais, c'était le premier à trouver. En fait, c'est une capture audio de la bannière de Saft. Le blog de Topo, Strange Stuff and Funky Things. Alors ça, c'est rigolo parce que quand on voit les images, on se pose moins de questions, mais quand on se fait des représentations mentales comme ça de l'image en entendant juste le son, on se rend compte un petit peu de son univers mental. C'est un poil inquiétant quand même. Alors, je plaisante bien sûr, c'est absolument génial. Donc c'est Pascal qui a reconnu le son de la bannière de Saft. Moi je pensais faire gagner un t-shirt, mais Pascal en a déjà un. Je crois qu'il gagne toujours quand on propose un truc. Du coup, on va trouver autre chose, Pascal. Robin, t'avais une question, je crois. Hein non, non. Si, adressée à Nico pendant. Moi, je voulais savoir qui faisait quelle voix, parce que j'ai appris quand j'ai vu la nouvelle bannière que vous aviez tous les deux participé. Faut deviner, c'est secret. Et c'est secret et on n'a pas le droit de savoir, quoi. Bah, si, vas-y, essaye, devine. Si tu veux gagner un t-shirt. Non, je devine pas, non. En plus, là, quand même, on les a tous entendus à la suite l'un de l'autre, donc en sortir l'un du lot et dire c'est toi. Il y a qui d'autre qu'on connaît dans la bannière? J'avoue que je sais. Je crois qu'il y avait une. Oui, donc il y a Alan et moi en effet, et on nous a entendus là. Bon, alors t'es qui toi? Je sais plus ce que c'est comme animal en fait. Bon, c'est une espèce de. C'est moi, un je suis rat. Bah voilà, un rat halluciné. Voilà. C'est celui qui dit. Voilà. Et puis moi je suis l'équidné, vexé de qu'on le prenne toujours pour un hérisson. Alors déjà, avant toute chose, je suis pas un hérisson, ok? Non mais vous avez déjà vu un hérisson avec quatre glands? Non! Alors voilà! Et qui dit qu'il déjà a quatre vu un hérisson avec quatre glands? Voilà. Merveilleux. Bah, du coup là-dessus, je sais pas si vous avez d'autres questions ou quoi, ou sinon on passe au pitch. Ouais, bah, on commence à nous abandonner dans la chatroom là. Il se fait super tard, les gens en ont marre. Il va falloir qu'on arrive gentiment au bout. Donc le pitch. Vous avez toujours voulu savoir combien l'alphabet compte de lettres différentes? Non? Alors, vous avez probablement déjà envisagé que si Pac-Man habite sur un bagel, alors nous vivons tous sur des cornets de churros? Non plus. Mais au moins, vous avez déjà envisagé que si l'on voyage suffisamment loin dans l'univers, on pourrait revenir sur Terre avec les organes inversés? Non plus. Alors, il semble que vous n'êtes pas assez familier avec la topologie. Il est temps de régler tout ça avec notre ami LGJ, que nous aurons le plaisir de recevoir mercredi prochain à 20h30 dans l'épisode 179 sur live.podcastscience.fm. Ils sont fous, ces matos. Moi, je vais partir en vacances la semaine prochaine, je crois. Ça me paraît très bien, cet épisode. Tu m'étonnes. Il m'a l'air absolument génial. C'est bien ce que je disais, vous êtes fous. Donc, ce sera l'épisode 179, n'est-ce pas? Ok, et puis... Topologie J. Ah ouais, c'est un bon titre d'épisode, ça, pendant son souvenir. Ouais. Ok, il est donc l'heure de la quote. Pouillot, t'as survécu? T'es toujours là? Oui, je n'osais pas trop intervenir, mais je vais donner ma quote. Alors, j'ai trouvé une quote de Pablo Picasso, je me suis dit allez, qui a dit « Les ordinateurs sont inutiles, ils ne savent que donner des réponses ». J'ai trouvé que c'était effectivement intéressant, dans le sens où voilà, ça amène à la réflexion, puisqu'un ordinateur... voilà, dans l'absolu, donne que des réponses, mais peut-être que ça peut ouvrir une réflexion le jour où ils pourront vraiment amener des vraies questions, et pas simplement. Voilà, c'était un peu la réflexion que j'avais trouvée. Ça me fait penser à une autre quote de Picasso, je ne sais plus si je l'avais déjà dit, qui est « Si vous savez exactement ce que vous avez à faire, quel est l'intérêt de le faire ?» Ah oui, c'est juste. c'est un peu la même logique. Hein. J'aime beaucoup ta quote. Bon, déjà, c'est pas souvent qu'on cite Pablo Picasso, c'est une erreur. Je pense qu'on devrait, surtout quand il est si inspiré. Et puis, je suis tellement d'accord, quoi. C'est vrai, ce qui est intéressant dans la vie, c'est de se poser des questions. C'est pas forcément qu'on nous donne des réponses. Donc, ouais. Je me permets quand même de citer Nawak qui vient de dire dans la chatroom que quand son PC plante, ça pose quand même question. Bien vu. Et puis on a Citron Vert qui interpelle Picasso en disant hey, le guide du voyageur galactique. Mais c'est vrai, l'histoire c'est celle d'un ordinateur qui a passé des millions d'années à donner la grande réponse à la question de la vie, de l'univers et tout. La réponse était 42. Mais le temps qu'il arrive à produire la question, la réponse, on avait oublié quelle était la question. Donc il a passé encore plus de millions d'années à calculer la question, puis il a été empêché. Parce qu'il regardait des séries, je crois aussi. Il s'emmerdait un peu. Good. Bon, mais du coup, on passe au plug. Ouais. Et on a un plug, mais pas des moindres. Attention, c'est moi qui le dis du coup. Je sais pas, tu veux qu'on t'interview? Non. Robin, vous avez un plug à nous faire passer? Tu habites loin d'ici. Tu es venu comment? Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Alors, je suis venu à vélo, j'habite loin d'ici, il va falloir que je rentre. Donc dans 15 jours, mais alors, enfin un peu plus que 15 jours, on va faire une émission live à Bobigny, à la fac de Bobigny. Il se trouve que je travaille pour une association en dehors du Palais de la Découverte qui essaye de faire des choses sympas en Seine-Saint-Denis. Pour les gens qui connaîtraient pas la Seine-Saint-Denis, quand on parle de la banlieue parisienne pourrie, c'est la Seine-Saint-Denis. Et donc essaye de faire des choses sympas pour les jeunes notamment, et qui veulent s'en sortir, en essayant de les aider, de les motiver pour faire des sciences, etc., etc. Et donc on va aller interviewer des jeunes de 15 ans qui sortent de 15 jours de stage et qui auront fait de la recherche sur des sujets mathématiques. Et donc on va essayer de rendre ça vivant et compréhensible. Et il y aura des dessinateurs avec nous normalement. Et par rapport à une question que je me posais la semaine dernière, tout le monde peut venir? Oui, tout le monde peut venir, c'est la fac, c'est ouvert, faudra juste faire le déplacement. Vaut mieux prévenir quand même, parce qu'apparemment il y a une ambiance assez particulière à la fac où ils ont les gens de la fac ont très peur, mais moi à chaque fois que je suis allé à la fac, personne m'a jamais rien demandé, je suis rentré comme ça, donc je vois pas pourquoi il y aurait un problème. En plus la salle va être très grande, donc ça devrait aller. Ok, bah parfait, merveilleux. Et puis donc moi je demandais au chef dans les coulisses si on a le droit de faire un plug pour le CERN. Je m'adressais bien sûr à Julie, et il y a Nicotube qui m'a répondu, du coup j'ai son aval. C'est David Loureiro qui nous rappelle qu'il faut qu'on fasse un petit plug. Donc on a une autre soirée radio dessinée de prévu, précédée d'une visite idéalement dans un collisionneur de particules. Ça, on n'est pas trop sûr de pouvoir le faire, mais en tout cas une visite du site du CERN, c'est sûr. Ce sera le 23 août prochain pour notre épisode de la rentrée, donc on va commencer en fanfare. C'est en train de s'organiser. D'ailleurs, merci en passant à toutes les personnes qui organisent ça de main de maître, c'est surtout Xavier Durussel et Julie, plus quelques amis qui bossent au CERN, Aurélien Fernandez notamment. Donc voilà, je crois que Julie a pris les inscriptions VIP. Déjà, c'est-à-dire qu'en gros, elle s'est chargée de faire en sorte qu'on ait des places pour tous les dessinateurs qui s'inscrivent à la soirée radio de ciné, donc ils vont participer. Mais aussi, elle a eu l'excellente idée de proposer en primeur à toutes les personnes qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre, et notamment par des dons, d'avoir le privilège de s'inscrire en premier, parce qu'évidemment, le nombre de places est limité. Donc, au moment où je vous parle, là, nous sommes le 11 juin, les inscriptions sont pour demain, puis après, donc ces personnes-là doivent répondre demain. Et puis ensuite, Julie, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais je pense qu'on pourra ouvrir les invitations à un public un peu plus large. Je me rappelle plus maintenant si on a 24 ou 48 places. De toute façon, ce sera limité pour descendre dans le tunnel si jamais on peut descendre. Donc on aura une politique first in, first out, je pense. On ne sait pas encore de quoi on va parler pendant la soirée radio dessinée, mais on a quelques sujets qui se dégagent. Là, c'est Tube qui est en train d'organiser un vote. C'est en cours de vote. Ouais, tu peux nous donner les tendances un peu ? Ouais, bon, les tendances, il faut que je les ai sous la main. J'annonce, j'y serai pas, donc j'ai pas voté. Quoi. Tu peux voter quand même. Globalement, les tendances, il y a plein de choses à égalité. On hésite entre le web, parce que c'est un peu là-bas qu'est né le web. La science et ses petits outils, c'est-à-dire des outils énormes pour traquer l'infiniment petit, pour faire plaisir à Romain. Sinon, t'es vraiment un gros traître parce que toi aussi, normalement, t'aimes pas. Hein. Ouais, moins que toi quand même. Moi, j'avais mis la science démesurée. Enfin bon, un peu ces trucs scientifiques énormissimes dont on entend parler. Après, il y avait à égalité aussi la physique quantique dans la vie de tous les jours. On sait pas trop ce que ça veut dire, mais bon, ça inspire des gens. Et une idée d'un certain Alan qui sera complètement infaisable et qui pour l'instant fait partie des trucs qui ont le plus de votes. La vie privée des physiciens théoriques, les physiciens sont-ils des gens comme les autres ? Ouais, l'idée là, ce serait d'interviewer les gens qui bossent sur place, les gens qui bossent au restaurant par exemple. Je sais pas si on aura le temps de préparer tout ça, mais ce serait assez cool quoi, s'ils pouvaient nous donner un peu des anecdotes. J'ai déjà la réponse, les physiciens ne sont pas des gens comme les autres. Hein. Ces gens-là ne sont pas comme. Dixit un matheux. Voilà. Moi je suis mariée avec un physicien si tu veux, je peux te dire plein de trucs. Voilà, ah, on oui. va sortir nos anecdotes. C'est un ouais, physicien ouais. théorique Non, il expérimentalise quand même. Ah, quand même, ouais. Pas exagéré, quand même. Ouais, non, je le disais aussi. Joueur. Mais c'est un vrai, hein. Il en a bien les caractéristiques. Hein. ça doit être explosif dans votre couple entre un physicien et une biologiste. Je sais que... On va faire une interview. Ouais. C'est bon, on a trouvé le sujet. Ouais, on interview Irène. Oui. Et Irène, t'as une anecdote comme ça à chaud? Eh ben oui, à chaud. Quand on s'est rencontrés, on était postdoc dans un labo de physique et on était tout. Enfin, moi, j'étais toute nouvelle et on s'est mis à travailler tous les deux sur l'ADN et on travaillait sur ces microscopes super pointus, les AFM. Et moi, ce que je voulais vraiment, c'était avoir des données sur l'ADN et avoir des images. Et je rencontre ce postdoc là qui commence à regarder ces images et qui commence à me donner des interprétations physiques sur la fréquence de résonance des cantilevers. Alors la déflexion. Elle commence avant le shift dans la fréquence et moi j'ai commencé à m'énerver parce qu'en fait ce que je voulais c'était vraiment des images en fait et on est parti sur un imbroglio et c'était vraiment très marrant de voir les points de vue différents entre pour le même sujet comment le physicien et la biologiste n'ont pas du tout les mêmes objectifs et c'était vraiment très intéressant ouais. J'espère que les enfants étaient en sécurité quelque part. Bah, il n'y en avait pas encore donc ça va. Mais j'en ai plein, ouais. J'ai une bonne image des physiciens, en fait, dans tous les sens du terme. Donc, ouais, j'adore parler des physiciens. Ouais. Bon, ben voilà, ton deuxième dossier après la météo, ce sera donc ma vie avec un physicien. Voilà, exactement. Là, j'en ai plein, ouais. Pas de problème. Ok, ben sur cette note un peu joyeuse, on va conclure. Ouais. Comme d'hab, que vous nous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bras croisés, inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes ou pas, de tweets, de retweets, de clins d'œil, de dons, de cadeaux. Vous pouvez faire ça sur podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud, bref, sur tout l'internet mondial. Merci encore à tous nos auditeurs et tristes préférés d'être fidèles au poste chaque semaine. On se retrouve le 18 juin avec LJJ pour parler topologie, bagel, cornet, etc. D'ici là, bonne semaine à tous et à tous, et que servir la science soit votre joie. Servir la science de notre joie. T'as vu qu'il y a un nouveau easter egg dans le chatroom pour Billy ? Ah non, il y a un easter egg dans la chatroom pour Billy. Ouais. Ça rajoute une bande de bâtards à côté de son nom. Ah ouais, ouais. Ça lui va tellement bien. Mais il y a nous une faute d'orthographe. Franchement, Pascal, il faut qu'on cause. Il y a un circonflexe sur bâtard. T'as mis bâtard en majuscule. Ça, c'est bien. C'est le respect total. Non, mais je peux vous dire un peu ce qu'il y aura dans le prochain podcast des hormones, si vous voulez. Hein, ah ouais, vas-y, raconte. Surtout qu'il y a beaucoup de messieurs. Raconte, alors, vas-y. Ben, je sais pas, par exemple, il y avait des rumeurs qui couraient selon laquelle, messieurs, si on regardait la longueur de vos doigts, on pouvait déterminer la longueur de votre sexe, par exemple. Eh ben, je vais vous prouver que c'est vrai, en fait. Ah, alors attends, comparaison. Alors explique, là, on a nos mains. T'as vu comme il est tendu, ton petit doigt, là ça. Il y a une soudaine augmentation du nombre d'auditeurs, ouais, là, d'un coup. Alors, Robin a manifestement les doigts plus longs que moi. mais tendu. C'est pas aussi simple, attention quand même. Attention, j'ai pas dit ça, hein. C'est drôle. Les gars, on fait un podcast ou bien... Non, on fait grève, là. Alors là, je suis obligé de faire les sous-titres, ils sont en train de se comparer les longueurs de doigts. Mais toi, tu fais genre 20 cm de plus que moi dans la vraie vie, puis nos mains ont exactement la même dimension, j'aime bien. Bon, attendez, il faut que je vous explique quand même. Ouais, parce que c'est pas une longueur absolue, c'est un ratio, en fait. De Est-ce que c'est au repos ou en action? Voilà, exactement. Bah, il faut être précis, je suis désolé, on est sur podcast science. Parfaitement. Bah, les deux longueurs sont quand même liées, hein, de toute façon, donc finalement, c'est pas très grave. Après, ça dépend si le doigt est au repos ou en action. Exactement, aussi. Tu as les doigts qui changent de longueur, toi, avant. Bah, s'il est replié le doigt, c'est... Puis est-ce qu'en s'allongeant les doigts, il y a moyen de rallonger l'autre côté aussi, tu vois? Non, mais c'est quand même fou parce que ça tient au fait qu'il y a plus de récepteurs hormonaux dans l'anulaire. Attendez, je ne dis pas de bêtises, mais je crois que c'est dans l'annulaire que les autres doigts, quand même. C'est quand même fou, hein.